Ah, on n'a pas décapsulé, les gars. Ok. Il faut décapsuler. C'est moi qui l'ai, Alors, attention, pas trop de bruit. Oui, alors je vais faire des trucs comme ça. Chut, plus de bruit. Bon, sinon, à part ça, vous êtes prêts? C'est la ronde de nuit. Est-ce que vous êtes prêts? Maintenant, on va bien démarrer. Ok. Ah, attends, donc toi, tu en as deux bières. Ok, d'accord. Ah, bah écoute. Il faut enlever les capsules. Très bien. Eh ben. Allons-y. Et voici donc le sixième épisode de. Six. Et oui. Sixième épisode de Road to Hellfest. Déjà. Déjà le sixième. Déjà. Six. Et l'avant-dernier. Enfin, c'est pas avant festival. Voilà. Eh bien, je pensais être mort avant. Donc on le dit, est-ce que... On va le dire en deux temps. D'abord, comment ça va? Ça va mieux. Ça va mieux? Ouais. Oh. Et toi, Bob, t'as vu? Ah bah écoute... Donc on est en train de discuter... De discuter, ouais. On est en train de discuter autour d'une bière et de déguster une Marshall, qui est, et ça m'embête de le reconnaître, mais je la trouve meilleure que le Hellfest. Elle est plus douce, elle est... il y a moins l'amertume en fin de bah ouais, en fin de goulue. Elle est fortement agréable. Donc, ouais. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Ouais, tout à fait. Parce qu'on peut le dire quand même, le beau temps est là. Où ça? Eh ben, pas ici présentement, mais il est là. On est quand même à la mi-mai. On peut clairement le reconnaître qu'il fait beau. Il fait chaud. Ouais. C'est ça. Du coup, la semaine dernière, nous avons manqué de news, mais nous avions une invitée. Voilà. Cette semaine, c'est tout l'inverse. Voilà. Pas d'invité, mais de la news à gogo. Est-ce que quelqu'un veut commencer ou... Eh ben d'accord, je commence, merci. alors en fait, il faut savoir que je suis tombé sur un truc que peut-être certains d'entre vous ont vu. Une news que j'ai chopée chez le Coin Métal officiel des confrères. Pour pas dire des amis qui travaillent dans le... Bon, c'est un média comme nous, je veux dire, quelque part. Donc, c'est Alex, avec 3X, Rebec, qui est chargé de la production, de la communication et manager des différents events et des sociales, des réseaux sociaux. C'est parce que c'est en anglais, c'est pour ça que je... Et tout ce qui est production, il est aussi manager du Hellfest et tout ça, qui répond à des questions... Enfin, qui répond plutôt à la question des nouveautés de cette édition 2017. Et ils commencent par expliquer qu'ils ont agrandi la main stage, enfin le terrain devant, ça sera l'équivalent d'un terrain de foot. Énorme. Donc, sans avoir augmenté le nombre de spectateurs, ouais. Donc c'est vraiment pour le confort. Il explique que suite au concert de Rammstein, il y avait énormément de monde qui ne pouvait pas assister parce qu'ils étaient trop loin. Voilà, donc ça, c'est pour notre confort à nous. Donc c'est plutôt cool. Ouais. Ce qui leur a quand même forcé à déménager les loges, la presse et le VIP. Tout ça, ça va être déplacé. C'est triste. Du coup, il y aura un tout nouveau VIP avec un bassin japonais et un dôme en dur qui restera sur place. D'accord. À côté de ça, la cathédrale va être améliorée pour permettre une meilleure fluidité. Parce que c'est vrai qu'on se rappelle tous de l'édition 2016 qui a été beaucoup suite aux différents actes que la France a subis. Et à cause de la sécurité renforcée, on a quand même vraiment perdu en facilité pour rentrer sur le site. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'entre 2015 et 2016, c'était vraiment... Mais bon, c'est compréhensible. Et du coup, ça devrait être amélioré. Il y aura plus de feux la nuit. Il y aura, pour eux, une installation à la fibre optique pour favoriser tous les liens entre l'application et la cache-lèche. Oui, Joe. C'est pour toi qu'ils ont fait ça. Je vais m'en sortir. Ils t'ont entendu. Génial. Le Hellgate va être agrandi avec de nouvelles activités. Mais ça, du coup, on va en parler après parce que donc il y a une grosse news à ce sujet-là. Il y aura une scène sur le Hell City Square, mais donc qui est liée à cette effectivement news. Grosse news. Hein. Et il y aura une amélioration sur les réseaux d'eau et plus de confort pour les festivaliers en général. Voilà, c'est donc tout ce qu'on a pu apprendre et je trouve ça plutôt top. Voilà, plutôt positif. Ouais, voilà, ouais, non, mais ils ont vraiment quand même. Et surtout quand la news suivante sur le Hell City Square, c'est violent ce qu'il va y avoir. Quoi. Donc voilà pour cette première news. Par contre. Petit bémol, Bob, peux-tu nous expliquer ce qu'on a appris Les changements de groupe. Oui. Alors bah oui, tu vas être triste toi. Et enfin, je suppose que tu le fus. Bah tu l'es toujours. Ça va. Je le suis un peu aussi. Les annulations, bien sûr. Mince. Il y en a toujours et il y en aura toujours. C'est ça. Et il y en aura encore. Oui. J'imagine que ils ouvrent un petit peu la marche. Hein, c'est les premiers. Donc Jorn sera remplacé par The Treatment. Jorn initialement prévu pour jouer samedi sur la Main Stage 2 de 14h à 15h, parce que je crois qu'il y a Ah, une boulette dans la personne qui t'a préparé la news. Eh ouais. Sera remplacé par The Treatment, un groupe de hard rock du Cambodge. C'est ça. De Cambridge. De Cambridge, en Thaïlande. Tout à fait, voilà, c'est ça. Le temple de Angkor. Exactement. Et Seven Sisters of Sleep sera remplacé par Joe. Occultocratie. Oui. Ou Crassi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Occultocratie. Seven Sisters of Sleep, 11h40, midi 10, sous la vallée, sera remplacé par Occultocratie, que je ne connais point. Il y en a pas un qui voulait voir Seven machin. J'allais dire Seven Nation Army. Personne veut voir Seven Nation Army si j'ai un. Si, bah si. Seven Sisters of Sleep. Je crois que tu voulais les voir, toi, non? Non, je ne connais pas. Eh ben, c'était vendredi sous la vallée. Non. Bah, alors, est-ce que j'ai mis du bleu? Ah non, j'ai pas mis de bleu. Apparemment, je vais. Ah bah non. Bah, ah si, il y a Mirat qui passe en même temps. Donc. Ouais, bah j'ai pas. Bah non, t'as pas la fin. Non, j'ai que le. Moi, tu vois, je suis parti sur Mirat. Moi. Voilà, bah je crois que j'étais à peu près dans le état d'esprit. Et pour Jorn, par contre, Joe, toi, t'es un peu. Bah ouais, dommage, parce que j'avais un peu écouté, puis j'avais bien aimé. Mm. Par contre, j'ai écouté The Treatment et. T'aimes bien. J'aime bien, donc. Bah, je vais rester en main stage 2 pour les voir. Ok. Okay. Moi, je tiens juste à dire que j'ai été sur la page Facebook d'Occultocratie, et pour eux, en fait, ils ont l'impression qu'ils remplacent Jorn. Sur leur page, avec la news qui est marquée, on jouera au Hellfest dès le vendredi, alors que. Bah, d'accord. Enfin, dès le samedi. Enfin, je sais pas, pour moi, il y a un cafouillage entre. Ah, bah non, merci, je joue le vendredi, c'est bon. Non, c'est moi qui dis de la merde. Très, très bien. Oh bah, bref, on s'en fout. Voilà, bah, ils sont remplacés. Hein, donc y a pas... Très très bien. Une petite news, Joe? Ouais. Ah, ça y est, les cartes cashless ont quitté l'entrepôt aujourd'hui et devraient arriver chez vous fin de semaine. Les premières. Les premières. Ne nous enflammons pas, précisons. Très très bien, très très bien. Bonne nouvelle. Plutôt, oui, une plutôt bonne nouvelle. Alors, on va attaquer déjà la grosse news du Hellstage Beyond de Hellgate, qui est sorti ce soir, il y a une heure, je crois. Donc, ouais, sur la page Facebook, moi, je l'ai vu. Inspiré du quartier de Camden Street de Londres, le Hell City Square est l'entrée principale du festival. Ce lieu animé vous plonge au cœur d'un petit centre-ville habillé où il faut bon vivre pour flâner, venir à la rencontre de quelques-uns de nos partenaires privilégiés et participer à de nombreuses animations. On en a déjà parlé la semaine dernière, ça tombe plutôt bien. Normalement, nos auditeurs savent de quoi on parle. En plus de son extrême market, également incontournable du festival, idéal pour faire ses emplettes et découvrir des articles collector et de son espace tatoueur piercing, blablabla. De nouvelles animations sont mises en place dans une ambiance entièrement repensée qui risque encore de bien vous surprendre. Show, concert, catch, DJ, et attention Bob, je crois que c'est pour toi qu'ils l'ont fait, et même une wedding chapel financée par Jägermeister, idéale pour déclarer de nouveau votre flamme à votre moitié devant un Elvis infernal cerné de shooter à déguster. Eh, c'est pas beau ça. N'est-ce pas merveilleux? Donc à savoir que j'ai la liste, il y a directement le programme qui a été balancé aussi de tout ce qu'il y aura. Ah ouais. Ouais. Donc le jeudi, il y aura en des. En même temps, on est à un mois. Hein. Bah, c'est ça. Donc le jeudi, j'ai passé en revue assez rapidement parce que, bon. Oui. Jeudi 15 juin, le DJ Red Bottle, France Heavy Crossover Trash Death. Pasteur of Muppet, France Metal Brass Band, qui apparemment reprend des morceaux d'un groupe dont on ne peut pas dire le nom. If Renault Was a Punk, qui m'a fait beaucoup rire comme nom. Tout à fait. Donc je pense qu'on voit tout de suite de quoi ça parle. Mm-hmm. The Rock'n'Roll Wrestling Bash. Allemagne, Allemagne, États-Unis, qui fait du catch. C'est un groupe de musique hard rock et la symbiose entre le catch mexicain, le trash et le hard rock. J'ai envie de voir ça. Ouais. Clairement. Le vendredi, Manufacturer, France Crossover Trash, à Repastor of Puppet, hein, DJ Plamly, France Hard Rock Metal, Cranks, France Heavy Metal. Voilà, c'est un groupe heavy metal originaire de Maguesque, en France. Oui, pourquoi pas. Samedi, Pasteur of Muppet. Alors, juste pour info, Metal Brass Band formé en 2016, ce groupe est composé des plus grandes légendes du hard rock heavy metal afin de. Donc, en fait, ça se trouve, ça sera peut-être pas toujours les mêmes musiciens, je ne sais pas. Parce que c'est bizarre qu'ils reviennent autant de fois, mais pourquoi pas. Oui. V90, alors le pays n'est pas indiqué, mais c'est un cover de punk rock. Ah, d'accord, V90 ressuscite Gala, Hadaway, les Backstreet Boys et une tripotée de plaisir coupable à sauce NoFX, Noise for a Name ou même Offspring. D'accord. Et ben pas Sum 41. Je veux voir ça aussi. DJ Plamly, qu'on a déjà eu. Et dimanche, Pasteur of Muppet. Tiens. Tiens donc. Damage Done, France Folk Rock Southern. C'est un groupe acoustique, mais leur reprise, ouais, j'ai eu du mal à dire Southern. Et le DJ Plamly. Voilà, donc je pense que c'est sûrement la plus grosse nouveauté. Ouais. C'est plutôt génial, je trouve, comme truc. C'est cool. Il va y avoir plein de trucs à faire. On va bien voir ça. Ouais, c'est la découverte pour tout le monde. Oui, j'ai grande hâte, comme on dit. Voilà. Ça approche. Plus qu'un mois, on est à un mois, voilà, maintenant. Donc, est-ce que, en dehors des groupes, vous avez écouté d'autres... Ah non, déjà, est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette journée du dimanche, car on n'a pas du tout fait, en fait, je crois. Non, pas encore. Sinon, c'est la première. Hein. On est au deuxième dimanche. On a tiré pour dimanche, donc c'est là qu'on en parle pour la première fois, exact. Moi, j'ai pas. C'est la journée en fait où je suis le moins, où je sais un peu moins ce que je vais voir en fait. C'est moins précis. On ira au Leclerc. Ah oui, on ira au Leclerc. On va faire ça. Et toi, Joe ? Moi, je vais bien entamer le dimanche parce que il y a Breakhurst qui passe à la vallée dès le matin à 10h30. Mais tu voulais pas voir Ray Brower ? Je préfère aller voir Breakhurst. D'accord. Ok, très bien. Et toi, Bob, une bonne journée qui s'annonce ? Plus ou moins. Il y a eu le Nino. Je n'osais pas en parler. Voilà. Je crois que c'est à peu près le seul groupe que. Que tu as envie de voir. Voilà. ça a été attendu. Je veux dire, beaucoup de gens m'ont demandé alors, et je peux enfin en parler. J'ai mes bouchons d'oreilles Hellfest. Ils sont là. Je les ai sur moi. Donc, je l'ai pu les tester pendant deux concerts et une grosse journée de festival, mais de festival gentil. Alors, déjà, ce que je tiens à dire, c'est que la première bonne chose, le premier extrême bon point qui m'a énormément plu chez Acouphone, c'est que j'avais quand même une lettre avec marqué « à l'attention de moi-même », avec une lettre qui me remercie de la confiance que je leur porte d'en acheter, avec vraiment un truc précis sur ce que j'ai acheté. Et une signature à la main, manuscrite, et j'ai trouvé ça quand même plutôt cool. C'est rare aujourd'hui quand tu commandes quelque chose que tu as un truc de ce style-là. Quoi. Ouais. Il a encadré, hein, pour préciser. Ouais. Ils m'ont offert des lingettes de nettoyage, plus un petit guide pour le bruit et ce qu'il faut faire pour s'en préserver, tout ça. Je trouve que c'est plutôt cool. Alors bien sûr, on peut dire oui, en même temps, pour 30 euros... C'est normal, mais voilà, ils sont pas obligés. Donc, moi, j'ai trouvé ça super cool. Et en ce qui concerne le produit en lui-même, alors je tiens déjà tout de suite à parler de ce qui ne va pas. Tout de suite. Le tour du cou a été mal collé. D'accord ? C'est vrai. Et je le sens un petit peu faiblard. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pour 30 euros. Oui, pour 30 euros. Je veux dire, si je... Alors, je vais quand même essayer de le faire passer. Regarde, je ne peux pas le mettre bien. À aucun moment tu peux le mettre bien parce qu'il a été mal, et je trouve que même le collage, en fait, j'ai très très peu confiance dans la manière dont ça a été collé, quoi. Je sens que ça va se barrer. C'est vraiment faiblard, quoi. Donc il y a une toute petite couture, ouais, c'est tout. Ça a été mal fait, quoi. Ça, pour le coup, c'est pas terrible. En ce qui concerne le pins, il est top, il est très joli, mais il a déjà été volé par quelqu'un qui habite dans cette maison. Le tube pour ranger c'est un coup à prendre, c'est pas super facile à. C'est un peu, faut les mettre un par un, tout ça, c'est amusant, faut pas être pressé. Par contre, le packaging est vraiment très joli. Et pour ce qui en est de l'utilisation en lui-même, donc on peut les porter avec soit le tour du cou attaché au bouchon ou juste les bouchons dans l'oreille. Y a un mode d'emploi pour les mettre où il faut tirer l'oreille vers le haut, l'enfoncer. C'est vrai que si on insère mal les bouchons, on sent que c'est assez désagréable. Par contre, une fois bien mis, le confort est nickel, et accessoirement, je les ai trouvés très très très efficaces. Alors c'est vrai que j'ai dit à Bob, parce qu'on était ensemble au concert de Head Charger au Big Bang Café, qui était un putain de concert. Bon, toi t'as trouvé que le son était pas très fort et tu t'en es passé. C'était. Ouais, et je t'ai même dit, comme en ressortant, je dis ça fait un peu comme si t'écoutais un CD. Tu m'as dit mais donc ça sert à rien. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est pour le côté agréable d'écoute, pas pour le côté tu ressens quand même la puissance de la musique live et tout ça, mais c'est comme si les sons désagréables ou tout ce qui pouvait être en trop, bah, j'ai pas forcément envie de parler de souffle, mais tu sais, de trucs en plus qui sonnent un peu mal concert, et ben c'est totalement altéré par ces bouchons, et donc du coup tu profites vraiment du truc sans aucune gêne. Alors j'ai vu un concert très calme où ils m'ont été de zéro utilité parce que bah voilà, c'était pas du tout adapté. Les trois concerts du vendredi avec El Chargeur sont super bien passés. Et la journée de festival, bah, je les ai supportés une bonne partie de la journée. J'ai pu être très très près des enceintes sans être gêné le moins du monde. Donc c'est 30 euros, c'est une somme. On va pas tous mettre ce prix-là là-dedans. Mais moi j'en avais plus et franchement, bah, j'ai maintenant juste très peur de les perdre. C'est le seul point négatif. Je comprends. Mais c'est un investissement que je regrette pas. Par contre, pour avoir déjà utilisé le modèle à pas cher durant les précédentes éditions, ça fait très bien le taf. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Est-ce que j'ai bien vendu le produit ? Est-ce que j'en ai convaincu certains d'entre vous ? Ouais. Bah ouais. Oui. Non, mais après, c'est vrai que en plus, c'est sympa. C'est, mal, ouais. C'est 30 euros, mais voilà, bon, il y a la petite lettre. Hein. La petite lettre, ouais, franchement. Le pins, le petit boîtier qui permet de les transporter, on peut l'attacher à son cou. Bon, après, il y a le petit souci de la couture. Ah oui, non, mais ça, fragile, mais ça je vais prendre une photo et à coup fun, je compte sur vous. Hein. Là, il faut faire quelque chose. Hein. Parce que, en fait, le truc, c'est que la couture soit un petit peu à l'envers. En soi, ça me fait chier parce que je suis à moitié perfectionniste et que je voudrais que ça soit bien droit. Mais c'est vraiment, tiens, t'as peut-être pas vu toi, mais j'ai plus peur en fait que la couture lâche, vraiment. Parce que ça m'a l'air vraiment fragile du coup. Oui, oui. Tu vois, c'est vraiment ce point-là qui m'embête. Et puis 30 euros, c'est quoi par rapport à la perte d'audition, quoi. Ah, enfin, oui. Vaut mieux mettre 30 euros et puis. Oui, ça, oui, non, il faudrait que tu repasses un. Il faudrait limite que tu découses, que tu le remettes dans le bon sens et que tu le recouses. C'est vrai, mais j'ai payé 30 euros. C'est oui, vrai, c'est ça que je veux dire. Donc. Non, ça ne va pas, ça, ce petit point-là. Après, je tenais juste à dire quelque chose que j'ai dû dire, mais pas dans le dernier podcast, c'est que 30 euros, c'est le prix de leur protection auditive supérieure, en fait. C'est-à-dire que le modèle Hellfest est au même prix que leur protection, que leur autre modèle, en fait, non Hellfest. Donc, c'est même pas genre pour que le Hellfest se fasse doubler. Alors, sûrement qu'ils ont un arrangement, ça, j'en sais rien, je m'en contrebats les couilles. Mais il n'y a pas une différence de prix parce que c'est marqué Hellfest dessus. Quoi. Ils ont un modèle avec le même petit boîtier noir, non marqué Hellfest, à 30 euros. C'est le même. Donc voilà. Donc, c'est tout pour ces bouchons d'oreilles. Mais à coup fun, on n'en a pas fini, vous et moi. Je vais vous écrire un mail, je vais vous taguer partout. Je vous retrouverai. D'accord ? Parce que de toute manière, vous me l'avez marqué. Je crois qu'ils sont à l'entrée, hein, de toute façon, je passe la cathédrale. Mais écoute, n'hésitez pas à tout nous contacter pour toute question concernant vos protections auditives, tu vois. Et nous vous invitons à rejoindre nos comptes Facebook et Twitter afin de suivre notre actualité. T'inquiète pas, mon con, je sais où tu es. Voilà. Moi, je voulais faire juste un petit peu de pub, parce que j'ai vu ça tout à l'heure, pour Affliction X, qui vient de créer un t-shirt Hellfest que je trouve pas dégueulasse du tout. Alors la photo est pas super bien chargée. Ouais, non, mais après voilà, mais tu vois, le t-shirt est bien chargé. Et en fait, c'est un. Mais c'est quoi juste ça ? C'est une création de fringue en fait. Mais le mec est sponsor par le Hellfest ou pas ? Non, alors je crois que oui. Si je ah d'accord, ouais. Pas. Je suis pas sûr à 100%. Je vais pas raconter de conneries. J'ai vu ça tout à l'heure en fait. Hein. Mmh. Donc tu vois, c'est vraiment. Mais de toute façon, je pense qu'il faut. Tu vois, c'est pas le premier. Hein. D'accord. Tu vois, il en a déjà fait. D'accord. Auparavant. Donc il a mis son nom aussi gros que le nom du Hellfest. Bah, je pense que c'est plus une marque en fait. D'accord. Voilà, de closing, on va dire. Tu vois. Donc tu aimes bien. Non, mais après, c'est juste pour faire un peu de. Oui, oui, d'accord. Mais non, parce que j'ai cru en fait que tu avais genre. Ah, j'ai trouvé ça vachement bien, j'ai limite envie de m'en acheter un, quoi. Non, d'accord. Non. Mais je me suis renseigné justement et je crois qu'il m'a dit que c'était à 39 euros le t-shirt au lieu de 48, je crois, un truc comme ça. C'est pas mal quand même. Déjà. C'est pas donné. Hein, c'est comme c'est les bouchons d'oreilles, c'est pareil. C'est ça. Rien n'est donné. Rien n'est donné, ouais. Donc voilà. Très très bien. Donc c'est Affliction X. Petite news fort sympathique. On ne parle bien sûr pas de nos confrères de chez EMP, qui ont déjà leur superbe fringue, parce que bah, bien sûr. parce qu'ils sont déjà ultra connus. Tiens, si... Oui, ah, excuse-moi, Joe, vas-y. Moi, j'ai une petite info à dire aussi, concernant une petite vidéo que j'ai vue qui m'a tout à fait. Beaucoup plu. Est-ce que je peux juste souligner le fait que... Mais tu as bossé cette semaine on n'était pas préparé à ça, nous. Bah oui, moi je suis choqué. Donc vas-y, on t'écoute. Merci. ouais, une vidéo que j'ai vue sur YouTube, concernant le Hellfest, bien sûr, et qui, en gros, explique tout le fonctionnement du Hellfest depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et moi, ça m'a super impressionné dans le fait où on voit que c'est énormément de boulot, qu'il y a énormément de gens qui s'investissent là-dedans et que je pense qu'on ne s'en rend pas compte quand on est sur le site, justement, boulot qu'il peut y avoir derrière. Et ben justement, en fait, j'allais justement te le dire, en fait quand tu es là-bas, tu t'en rends compte. Grave. C'est tellement impressionnant que tu vas vraiment te dire « waouh ». C'est pas en fait. Ah ouais, quand même. C'est vraiment. Je sais pas quel est le plus grand festival que t'as fait, mais là tu vas vraiment voir un truc où tout a été pensé et mis en image. Donc c'est impressionnant, tu verras. Mais c'est vas-y, gros. Continue. D'accord, ok. Bon, donc voilà, on voit un peu tous les coulisses, quoi, de comment que ça se passe. Et ça dure 45 minutes, à peu près. Et c'est vraiment sympa à regarder. Je vous conseille d'aller voir. Ça s'appelle Open the Doors. Ah oui. Voilà, c'est le fameux documentaire qui a été fait par Red Bull. Et, voilà. J'ai vu qu'il y avait que 5000 vues dessus. Donc, Sur la version officielle, ça m'étonne. Non, ça m'étonne. Je pense que... Ah bah ouais, c'est peut-être pas la version. Non, parce que normalement c'est Red Bull, sûrement réalisateur, mais c'est un truc Red Bull qui a été. Et qu'effectivement, en plus, j'ajouterais qu'il est hyper bien fait en fait. Mais ça m'a carrément bluffé, hein, franchement. Il te parle de tout, que ce soit de la manière dont sont faites les structures métalliques, que ce soit les containers et tout ça, comment c'est foutu et comment c'est amené. Ça fait appel à pas mal de sociétés, bon nombre d'artistes quoi, pour réaliser tous ces trucs-là. Ouais. C'est un gros chantier. Quoi. C'est impressionnant. Merci Joe pour cette petite news. Ouais. Donc cette semaine, le sujet est nous n'avons pas d'invité, donc faut meubler. Donc, je pense... Non, Bob, pas de blague. On va peut-être pas attaquer directement les chroniques, même si Joe a signalé « Ce soir, on traîne pas, les gars. » Voilà, il m'a dit. Okay. Donc, je pense que c'est peut-être le bon moment pour parler du public qui a changé durant toutes ces années. Ouais. Et si j'avais une autre question que quelqu'un m'a posée par rapport justement au podcast, à savoir, et donc c'est toi qui vas plus facilement pouvoir y répondre, peut-être que justement elle va se mêler avec cette question, c'est à savoir, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vu l'ampleur du festival, donc de ses répercussions, du truc qui a quand même complètement un peu échappé au milieu métal, pour aller vers tous les horizons, en fait, d'aller partout, est-ce que toi, parce que c'est toi donc le Pierre Belmar du festival pour nous, tu es un petit peu notre Pierre Belmar. Est-ce que pour toi, l'expérience du festival a changé ? Est-ce que tu le trouves différent ? Peut-être moins sincère, moins trou, moins pour les vrais ? Et est-ce que tu as, du coup, vu des changements que tu n'as pas appréciés avec le fait que ça devienne autant populaire, en fait ? Voilà. Eh bien, je suis tout à fait d'accord. Non, mais après, ouais, c'est vrai que ça a pas mal changé. Mais de toute façon, je m'en rends compte que vraiment depuis l'édition 2016, vraiment. Sinon, le reste, bah, je pense que ça a coulé de source, ça va de soi. Je veux dire que le festival en lui-même prenne une plus grosse ampleur, que les décors changent. Ça fait aussi partie de l'évolution du festival en lui-même et de cette création artistique qui va de pair avec le Hellfest, qui est une grosse machine quand même. Mais non, au niveau public, non, je me suis vraiment rendu compte de ça que l'année dernière, quoi, que ça commençait à changer. Et puis, j'ai un pote qui m'a dit quoi, qu'il le fait depuis le Fury Fest, le tout premier Fury Fest, le 2003, 2004, je ne sais plus. Et il a continué tous les ans, il a fait tous les Hellfest, vraiment tous. Quoi. Et il m'a dit, en 2007, je suis arrivé, il n'y avait que des métalleux. Quoi. Mais tous sapés en noir, cheveux longs, Il n'y avait pas du tout de baguille ou quoi que ce soit, c'était vraiment du pur de dur, quoi, du gros métalleux. Quoi. Et c'est vrai que maintenant, on voit plus en plus de... Mais ça, comme les déguisements, les machins, il y en a beaucoup qui se plaignent des gens qui viennent déguiser en Pikachu, en Beat ou n'importe quoi. Après, c'est 4 jours où on se lâche aussi, quoi, donc chacun fait comme il veut. Ça, c'est pas... ça fait partie aussi du jeu. Quoi. Donc après, non, c'est plus ce qui me gêne, c'est vraiment les gens, je sais pas, le code... code métal vraiment qui commence à en prendre sérieusement un coup quoi. Tu veux dire que les mecs sont trop fermés dans leur code justement et pas assez ouverts ou... Bah, le code métal pour ma part c'est vraiment le respect de l'un et de l'autre. D'accord quoi. Pardon, de ce code là. Ouais, non, quand on est tous ensemble tu vois, c'est vraiment une espèce de grande famille où il y a un respect mutuel et réel. Et quand on y est, non vraiment, moi j'ai toujours vu ça quoi, il y a toujours ce côté vraiment hyper respectueux quoi, du métal, du métalleux et du public en lui-même. Et j'ai un peu l'impression que ça se perd au fur et à mesure, parce ouais. que peut-être aussi le festival grandit et qu'il est beaucoup plus connu. C'est... Je me posais la question, est-ce que toi tu sens que l'esprit Hellfest a changé? Ouais, un peu. Enfin, je sais pas, je ne peux pas réellement dire qu'il ait changé. Je connais pas les 180 000 personnes qui viennent, les 160 000 personnes qui viennent. Parce que toi, tu continues d'y aller parce que tu prends à chaque fois toujours le même kiff et le même plaisir. Et tu dis que l'année dernière, tu as vu que le public avait vraiment changé, on va dire, comparé à d'habitude. Bah, on sent ouais, que ça vient doucement vers. Et est-ce que ce changement a nuit, par exemple, à ton. Pas ton immersion dans le festival, mais ton expérience. Et que du coup, tu t'as commencé à dire ah. Si ça va dans ce sens-là, bah, je vais peut-être arrêter en fait. Des bousculades avec des plus jeunes quoi, qui tu pourrais t'excuser, tu vois, simplement ça. Ouais, c'est clair. Et le gars se retourne, je t'emmerde, machin. Enfin, tu vois, c'est. D'accord, ouais. Ce genre de truc, tu vois, que j'avais jamais vu quoi. Donc. Je me souviens que t'avais été choqué quand, et quelque part moi aussi ça m'a choqué, mais c'est quand on avait été acheter un sandwich. Et qu'on a vu un mec, on a plus ou moins vu un mec en train de. Bah, je l'ai vu, hein. Avec ma vision périphérique. Voilà, c'est pour ça que je veux dire quand je dis plus ou moins vu en fait. C'est que sur le côté, en fait, il y a un mec qui a chopé de l'argent dans la caisse du mec, mais le mec faisait pas gaffe en fait. Là, oui, on peut dire que dans ces cas-là, il y a un changement, réel changement. Mais bon, le mec a été chopé, il a été chopé avec plusieurs portefeuilles machin. Et il s'est fait arrêter, mais forcément que ça ouvre aussi la porte à ce genre de. Bah c'est ça en fait, parce qu'en fait. D'individu. En fait, là, c'était vraiment la manière d'agir du mec, c'était un truc calculé de mec qui a l'habitude. Bah, ils étaient deux, hein. Il y en a un qui a pagué l'autre d'un côté, c'est puis ça, l'autre mettait la main dans la caisse, quoi. Voilà. Mais le vendeur, lui, justement, c'est ça qu'il m'a expliqué, c'est que sa caisse, depuis le début qu'il fait le Hellfest, elle a toujours été au même endroit, c'est-à-dire à la vue de tout le monde au comptoir. On avait juste à quoi 30 cm à faire et on prenait l'argent dans la caisse. Il a jamais eu aucun problème. Et il y a eu vraiment qu'à ce moment-là où je me suis dit putain, si ça devient ça, ça va pas le faire. C'est vrai, c'est ça si t'es obligé de faire gaffe, moi j'ai jamais fait gaffe plus que ça à me dire foutre mon portable dans telle ou telle poche fermée avec un cadenas ou quoi que ce soit. J'en ai toujours eu rien à foutre. Je me rappelle d'un mec au tout début des gros iPhones machin. Je voyais son téléphone qui commençait à se casser la gueule, il faisait le con sur la pelouse. Et son téléphone, un truc énorme, est tombé sur la pelouse, quoi. Plutôt que de le garder, le mec, je lui ai couru après pour aller lui refiler, tu vois. Ouais. Et ça, c'est justement cet esprit-là qui commence un peu à partir en couille, tu vois. Donc, comme nous, quand on avait laissé nos pipes de bière juste à côté de la tente et que personne n'y a touché. Quoi. Ouais, voilà, ouais. C'était pas... Mais... À la vue de tout le monde, bien sûr. Oui, bien sûr. On a mis une pancarte, fausse bière. Mais donc, c'est donc, de l'eau. Donc, on va dire ça, c'est le public... En fait, en gros, on va dire que l'esprit Hellfest... venait à la base de ceux qui l'ont créé et après du public qui s'y est greffé et qui a donc amené ça au plus haut et qu'aujourd'hui bah, ça attire forcément d'autres gens. Bah, j'ai peur que ça devienne plus un sujet de curiosité qu'autre chose. Bah, c'est le cas. Hein. En fait, c'est le cas parce que moi je sais que j'ai des amis qui veulent y aller l'année prochaine, ils n'écoutent pas du tout de métal. Et en fait, sur le début, quand ils m'ont dit ça, j'étais super content. J'ai dit, ah bah cool, vous venez de ça. Et c'est qu'après, je me suis dit en même temps, mais pourquoi quoi? Bah sans vouloir faire le mec ferme et tout, ma première réaction c'est ah bah c'est cool, vous venez, on va y aller tous ensemble. Mais après je me suis dit mais attends, c'est quand même voilà, sans forcément, je me considère pas du tout comme quelqu'un d'extrême et tout ça, et comme je l'ai déjà dit, je suis sûrement le plus mainstream autour de cette table, Il Nino, je les ai vus en concert, je tiens à le préciser. Et j'ai été voir Limp Bizkit la dernière fois. Bref. Tu m'as traîné à Limp Bizkit. J'étais traîné. Et c'était un groupe. Bref, on n'est pas là. Ce que je veux dire, c'est que tu vois, par exemple, toi, Joe, quand tu m'as dit que tu allais venir cette année, ça m'a pas du tout fait cette même sensation-là parce que t'aimes la musique et vraiment la musique rock. Après, quand t'aimes le rock et tout ça, t'es déjà plus proche d'aller vers le Hellfest que quand t'écoutes, je sais pas, de la techno pure. Donc. Comme je vois un mec qui balance beaucoup de posts sur Facebook sur le groupe non officiel du Hellfest, qui balance beaucoup de posts. J'ai été faire un tour sur sa page. Le mec est fan de M. Pokora, Scheim, tous ces trucs-là. Il écoute du Fun Radio, du Energy. Tu vois, c'est ça qui me débecte totalement, quoi. De voir que là, ça devient carrément pas une bête de foire, le Hellfest, comme il est presque, tu vois. Ouais, en fait, en gros, c'est pas des gens fans de métal qui du viennent tout. Se retrouver entre métalleux, c'est des gens qui viennent voir le côté populaire du truc. Exactement. Et qui font pas attention au code. Qui n'en ont pas, ils savent même pas qu'il existe ce code-là. Parce qu'ils ont pas, ils grandissent pas. Enfin, je sais pas, j'écoute du métal depuis l'âge de 12 ans, enfin du rock métal depuis l'âge de 12 ans, et bah, tu grandis avec tout ça, tu apprends tout ça. Tu vas pas l'apprendre en un an, en me disant « Ouais, je vais au Hellfest, c'est cool, je vais être un vrai métalleux. » Non, c'est des conneries. Quoi. Bah déjà, c'est vrai, ces gens-là, c'est pas des gens qui sont métalleux de base, même si l'expression métalleux est un peu galvaudée maintenant, et que justement... C'est au sens large, quoi. Voilà, c'est devenu un truc un petit peu trop large, justement. Mais c'est vrai que le Hellfest, aujourd'hui, est connu par tellement de monde et tellement de public que à un moment donné, bah, peut-être que les gens... En fait, il y a qu'à voir en fait, le nombre de gens... Alors, c'est tout à fait critiquable, parce qu'on en a déjà parlé, il me semble, dans le premier numéro, je crois, mais le nombre de gens qui n'étaient pas contents de ne pas connaître l'affiche. Mais il y a toujours des rageux, tous les ans. Oui, non, mais ça, c'est ça. Mais au final, en fait, moi, je ne me suis pas posé la question. Parce que y aura toujours des groupes que tu vas aimer sur l'ensemble. Bah, bien sûr. Et en fait, et plus là, depuis qu'on a commencé le podcast, là, j'ai parlé pour moi, peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, mais ça m'a forcé à écouter énormément de groupes que je ne connaissais pas. Et que justement, dans tous ces groupes-là, j'ai découvert beaucoup de choses que j'aime bien ou que j'aime moins, mais maintenant je sais. Mais ça m'a fait déjà au moins découvrir des groupes que je ne connaissais pas. Et rien que pour ça, je me rends compte à quel point, sérieusement, l'affiche est extrêmement large et variée. Ouais, et carrément. Et elle rend justice à tous les styles. Elle laisse personne de côté. Ce qu'a toujours fait le Hellfest. Bah voilà, et ça c'est. C'est ça qu'on peut lui reconnaître, quoi, Hellfest. On peut dire qu'on prend vraiment. Enfin, pour ma part aussi, je parlais personnellement, je prends vraiment un grand plaisir à écouter tous ces groupes, quoi. Parce qu'en plus, moi je découvre pas mal de styles comme le death et le black metal. Bon, bah, tu vois, je commence timidement à rentrer dedans et il y a déjà pas mal de choses que j'apprécie. Non, mais. Donc on va dire que l'année 2016 était peut-être le début de quelque chose. Peut-être que 2007 sera un retour aux sources, peut-être. On reste quand même... Enfin, moi, je pense que de leur côté à eux, en tout cas, ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent. Il n'y a qu'à voir les nouveautés pour continuer de proposer la meilleure expérience. Je comprends parfaitement, c'est qu'ils ne peuvent pas virer les mecs qui n'écoutent pas de métal sous prétexte qu'ils n'écoutent pas de métal. C'est clair. Mais ouais. À mon avis, ça ne change rien que les vrais métalleux sont quand même. Enfin, les vrais, on va dire. Ouais, mais ce qui m'emmerde, c'est que derrière, t'as peut-être aussi un mec qui écoute du métal, qui avait envie de voir un groupe, deux groupes, trois groupes, une dizaine de groupes, qui avait envie de se dire ah putain, je vais attendre ce moment-là, et tu vois, là, il n'y a plus de place, quoi. Ça, je suis d'accord aussi, ça, c'est vrai que ça peut être un problème. Je sais pas trop comment. Je trouve que c'est bien et pas bien en même temps, donc je sais pas. J'ai l'impression que, en fait, le fait aujourd'hui de signer pour le Hellfest. Tu signes pour le Hellfest et après tu découvres ce que c'est. Moi, c'est un truc qui marche pour moi, tout en je me sens pas forcément frustré le jour où j'apprends les groupes, même s'il y en a que j'aime pas. Mais je comprends en même temps, du coup, que c'est vrai que ça laisse la porte ouverte à n'importe qui. Du coup, même si ils avaient quand même, et aussi pour le marché noir, limité le nombre de passes 3 jours que tu pouvais acheter. Ouais. Donc, ils ont quand même essayé de se dire, bon, c'est pas grave. Et puis, ils en avaient gardé de côté pour leur donner après la diffusion des groupes. Ils en avaient gardé quelques-uns en disant maintenant, voilà, vous avez fait confiance. Voilà. Et pour les warm-up aussi. Et pour les warm-up, qui continuent d'ailleurs au passage tous les jours. Donc il y a un warm-up tous les jours dans plein de villes, comme on en parlait dans l'émission précédente. Et le lendemain, tu as une vidéo du warm-up de la veille. Les mecs sont hyper réactifs, quoi. Et apparemment, il se passe beaucoup de choses dans le tourbus. Voilà, c'est tout ce que je tiens à dire. dire. Voilà. C'est ça, en fait, avant, donc, il y a plusieurs années, il fallait vraiment être métalleux pour entendre parler du Hellfest. Je pense que non, c'était plus... bah, il n'était pas connu autant que maintenant, tu vois. Un truc qui m'a choqué il y a une semaine, c'est tous les mecs, justement, dans ce fameux groupe, quoi, ont posté une photo de Jean-Luc Reichmann avec leur truc Hellfest qui sont. La question, c'était quel machin se passe dans la même ville associée, tu vois. Donc t'avais Hellfest Clisson, machin dans une ville, truc dans une autre ville, et tous les mecs étaient là, ouais, Hellfest Clisson, c'est trop cool. Et moi j'ai marqué, je suis le seul à être choqué de voir Hellfest chez Jean-Luc Reichmann sur TF1, quoi, sérieux. Enfin, moi ça me faisait chier, quoi. Alors tout le monde était là, ouais, c'est super, mais bon, voilà, quoi, c'est la rançon du succès, c'est comme ça, c'est la rançon du succès. En fait, moi, ce que je trouve dommage, justement, c'est que ce soit chez Reichmann et qu'il y ait déjà autant de gens qui le sachent, presque, en fait. Ça devrait être plus un clin d'œil, en fait. Ouais. Mais le problème, c'est que ce genre de jeu s'adresse à la plus grande majorité de public et de téléspectateurs, et que donc, le Hellfest en est arrivé à ce point-là aujourd'hui. Il faut suivre l'évolution que ça aura dans quelques années, mais je tiens à rappeler quand même que même Ben Barbeau, dans l'interview que j'ai lue, disait qu'il ne devrait pas faire ça beaucoup plus que 20 ans, donc... De lui-même, je pense qu'il sait qu'il y aura des changements à apporter à un moment donné. Mmh. Et pour revenir sur ce que tu disais, Joe, en fait, il y a quelques années, en fait, la différence, c'est qu'il ne fallait pas forcément être un gros métalleux pour connaître, mais il fallait plus être un vrai métalleux pour avoir envie d'y aller. Tu vois, parce que il reste toujours cet a priori d'aller avec des métalleux, passer 3 jours. Tu sais, j'ai des amis dans un groupe du coin qui s'appelle Les Génomes, et les mecs me disaient qu'ils avaient du mal à trouver des endroits où jouer. Parce que, mais vous êtes un groupe de métal, vous allez amener un public de métal et ça va être compliqué. Il y a toujours cette image-là dans le métal. Et le Hellfest, si tu as des gens hors métal qui viennent, en fait, c'est le paradoxe inversé, en fait. C'est-à-dire que, c'est le Hellfest, on va trop s'éclater. Mais, c'est comme si tu allais dans une soirée où tu n'étais pas dans la bonne thématique, mais le Hellfest est devenu une thématique globale. Parce que moi, il y a encore quelques mois, tu vois, je ne pensais pas que ça avait évolué comme ça, le Hellfest. Tu vois, j'avais vraiment la vision encore du festival 100% métal comme Bob, tu l'aimais, tu le préférais avant. J'avais pas peur d'y rentrer, tout simplement parce que du coup, ça m'intéressait carrément. Donc, j'avais vraiment envie d'y aller. Bon, maintenant, je vois un peu l'évolution que ça a pu avoir. Après, ça me gêne pas parce que du coup, moi, je vais découvrir quand même. Donc, non, mais c'est clair qu'on parle du festival de musique extrême, mais que ça fait beaucoup moins ça quand t'es là-bas, quand tu te dis pas, je suis avec des gens extrêmes. T'es avec des mecs qui veulent faire la fête et s'amuser de tous bords et de tous horizons. Mmh. Et forcément, ça amène d'autres gens. C'est bien et pas bien en même temps. Par contre, justement, je me posais une question, Joe, toi qui, pour la première année y aller, les gens qui t'en ont parlé, ils sont plus quoi comme style de gens? C'est des métalleux, des non-métalleux, des fans de musique ou des fans de faire la fête? Je ne veux pas dire que c'est des... ils écoutent 100% de métal, par contre, c'est que des gens qui écoutent beaucoup de rock et du métal, donc ça va être 50-50, et c'est pas des gens qui y vont pour faire la fête. Il y a aucune personne qui m'en a parlé qui a cette mentalité là. D'accord, bon, là, ça va. Donc ça va, tu restes pour les vrais encore pour l'instant. Ouais. Les gens vont pas encore trop te juger. Ok, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce sujet encore un petit peu? Non, c'est le Hellfest, c'était mieux avant. Le Hellfest, c'est tout. Oh, ouais. C'était mieux. Pour ma part, je dirais pas ça, ça fait vieux réac. Mais mais c'est vrai que mes éditions préférées vraiment sont passées il y a quelques années quand même, quoi. Très très bien. Oui, mais il y a peut-être aussi lié à l'affiche, parce que 2016, c'était pas que lié à l'affiche, non, c'est plus lié à l'ambiance. Mais il y a peut-être aussi l'ancien non-respect aussi qui t'a choqué, quoi. Oui, ça. Ouais, le non-respect, ouais. Puis voilà, quoi, c'est pas ce que j'ai connu sur le Hellfest, et du coup, ça m'a un peu refroidi. Et quand tu t'as dit un truc en subbrillance, là, l'ancien site. Qu'est-ce que tu crois que ça a joué quelque chose de différent? Pour ma part, ouais, j'adorais vraiment l'ancien site, quoi. Mais c'est parce qu'on était beaucoup moins nombreux, qu'on était moitié moins nombreux. C'est donc ça, coup, c'est toujours le problème. Hein. Voilà. Je veux dire, ouais. Et puis, aujourd'hui, quand tu vas à Solidays, c'est n'importe quoi. Hein. C'est ça. J'adore ce qu'ils ont fait de ce site-là, parce que franchement, 2012, c'était pas gagné. Quand t'arrivais, Ça sentait, moi qui la pisse partout, c'était gadouilleux, il y avait une espèce de vieux trou dégueulasse pour passer des main stage aux scènes autres. C'était, voilà, j'ai même vu un combat de catch dans la boue, t'avais un grand cercle de personnes, qu'est-ce qui se passe. Et on va voir, en fait, tous les mecs se foutaient de torse-poil, puis hop, un, deux, hop, catch dans la boue, il a créé une grande scène. C'était plutôt sympa, un grand ring. Mais voilà, c'était vraiment pas gagné, quoi. Puis c'était depuis quand la pelouse et les graviers, ça fait 2015, hein, 2015, c'est ça, pour la 10e édition. Donc voilà, c'était. C'est vrai qu'ils ont fait un truc ultra confort, quoi. Ah bah c'est ça, par contre, voilà, c'est ça. Mais moi, c'est vrai que j'aimais bien aussi patauger deux pieds dans la merde, quoi, parce que je trouvais ça vraiment festival. Bah tu aurais dû venir avec moi. Pendant Edge Charger, le festival où j'étais le samedi, le vendredi soir, c'était ça, c'était la gadoue et tout. D'accord. J'avais un ami qui y était, il m'a dit, voilà, c'était complètement. Voilà. Ouais. Les gens tombaient, glissaient par terre. Ouais, ben. C'est ça. Très bien. Bon, bah, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Alors, du coup, est-ce que quand tu entends le témoignage de Bob, Joe, est-ce que toi, ça te change ton avis sur le fest ou ton ressenti ? Non, pas je du tout. Je peux plus y aller. Parce que moi, je vais directement me plonger dans l'univers métal et je vais pas faire et attention. Et ne pas en revenir. Je vais mourir là-bas. Ouais. D'accord, très bien. Dans le Hellfest, personne ne vous entend. Bah, écoutez, ça fait déjà 41 minutes qu'on en se dit, je pense qu'on peut passer aux chroniques. Tout à fait. Alors, qui veut commencer ? Qui veut se jeter dans la fosse au lion ? Déjà, est-ce que vous êtes content des groupes que vous avez eus ? Non. Non, bah moi, pas des masses non plus, hein. Ouais, groupe. Moi. Ouais, si, quand même. D'accord, très bien. C'est ouais, en majeure partie, je suis satisfait. Très, très bien. Bon, écoute, on va laisser parler Joe. Le gars qui est satisfait. Voilà, bah commence, vas-y, Joe. Bah, je vais commencer par un qui m'a. qui n'est pas super plu. Très bien. Alors, Hawkwind. Ah! Ah. Et je sais que Bob m'attend au tournant. C'est vrai. Non, vas-y. Si, il a, t'as dit dans le précédent numéro qu'il aurait quelque chose à dire. C'était pas sur ce groupe-là ? Sur Hawkwind ? Ouais, t'as dit, ah, normalement tu vas parler de quelque chose. Ouais. Ah oui, oui. Ah, tu t'en souviens, toi, d'accord, vas-y. Ah ouais, je m'en suis souvenu et bah merci de me l'avoir dit parce que je serais peut-être passé à côté. D'accord. Donc, du coup, j'ai écouté Hawkwind. Donc, Hawkwind, c'est du rock britannique. Plus précisément, le style, c'est du space rock. Oh. Ouais, c'est donc un style space, ouais. Très, très, ouais, c'est psyché, très futuriste, à base de clavier et de synthé. Ouais, mais c'est pas du clavier comme tu l'entends, ah, c'est pas d'accord. Timus Borgis. D'accord, c'est pas du clavier comme ça, ok. Non, c'est, il recherche, il y a des sons. Ah, il y a des mélodies. Des non, trucs. Il recherche, c'est plus des, ah, oui, des sons, en fait. Des, oui. Tiens, des trucs. Très bien, c'est Ross dans Friends. D'accord. Ah, c'est ça. Bah ça m'a un peu choqué parce que j'ai écouté pas mal d'albums et puis bon, pas mal d'albums. Oh. 32. Je me suis fait plaisir. Ça change complètement d'album en album. Ah bah c'est les 70s. Hein. Ah ouais, c'est impressionnant. Et pareil sur un album, si tu prends 2-3 chansons, tu vas avoir du gros changement en musicalité, quoi. D'accord. Instrumental, tout ça. Et d'ailleurs, je suis tombé sur une chanson qui a tourné dans mes oreilles et je savais pas du tout que c'était eux. Silver Machine. Et d'ailleurs, dans ce titre, il y a Lemmy de Motorhead qui a joué en tant que bassiste et chanteur. Carrément. Donc, qui a prêté sa voix pour Hawkwind. Ce qui d'ailleurs. Tu peux le dire, Bob. Parce que tu me le dis à moi, tu vois. En fait, non, c'est pour éviter d'intervenir. Ce qui d'ailleurs a vachement permis à Hawkwind de se faire connaître. De se faire connaître, ouais, de d'accord. Se lancer. Donc, grâce à cette voix et à ce style de basse que Lemmy avait. Un peu rock, on ouais. Peut le dire, hein, je pense. Donc, ouais. Donc Bob, tu as dit vite fait un truc tout à l'heure. Non, je disais, il a fait plusieurs albums avec eux. Carrément. Il était bassiste officiel de Hawkwind. Mais si on regarde, je ne sais plus, j'ai vu. Il y a Space of Ritual, je crois. Ouais. Je sais pas, je crois que c'est celui-là que j'ai quand même. Et j'ai vu un petit reportage sur justement, ça devait être avant sa mort ou après sa mort, je ne sais plus, j'en ai vu pas mal. Et en fait, qu'il explique justement qu'il joue avec Hawkwind. Et eux étaient plus LSD, et lui était plus speed. Et ça plaisait pas du tout au mec, quoi. Et en fait, il faisait ce qu'il voulait dans le groupe. Il emmerdait un petit peu tout le monde. Et il y a un matin, il devait partir prendre l'avion pour jouer. Ah, mais si, mais c'était. Pour jouer, oui, bah, c'était avant qu'il soit dans Motorhead, en fait. Ouais, c'est ça. Ah, c'était avant, oui, d'accord. Juste avant, ouais. Oui, ouais. Puis il s'est fait virer. Ouais, il s'est fait virer comme une merde. Mais en fait, ils sont venus le chercher. Il s'est pas réveillé ou il s'est réveillé en disant oh, j'arrive, il s'est rendormi. Et en fait, ils sont partis sans lui, quoi. Oui, en laissant un mot ou je sais pas c'est quoi. Ça, c'est dans le documentaire Lemmy, justement. Voilà, c'est oui, ça. Bah, d'accord. Et lui, il expliquait que gentiment, pour se venger de ses copains, il a baisé ses meufs, quoi. Il a baisé toutes les meufs des mecs. Et puis, du coup, justement, après, il a trouvé ça un peu. Il a fondé Motorhead et c'est là que il a. Ouais. De passer de l'un à l'autre, c'est violent. Ah ouais. D'accord. Voilà, donc groupe super intéressant. Après, moi j'ai. Puis groupe super vieux surtout. Ouais, groupe super vieux. Ouais, c'était en 76, je crois que l'année jouait. Et qui passe à la vallée à minuit. Voilà, je tenais à le dire. Donc presque un des derniers groupes qui va jouer. Pour les avoir vus une fois sur scène, je veux pas te couper ton truc, le show est excellent. Ouais, c'est génial, franchement, ils sont assez réputés là-dessus. Ouais. J'ai pu voir que du coup, c'est un peu eux qui ont commencé à faire des grosses mises en scène. Donc, j'ai voir quelques clips. Ils mettaient une nana ou deux à poil qui faisaient un peu. Ah, c'est pas ce côté-là, moi j'ai retenu. Ah oui, d'accord. Non, ils ont un show vraiment génial. Ils passent en même temps que Coroner, hein, si jamais des gens. Ouais. Sont intéressés. Voilà. D'accord. Donc, non, mais ça m'étonne pas que. Presque. Ça m'étonne pas que tu me dises ça. Tu vois. D'accord. Ouais. Donc, tu n'as pas aimé, tu n'iras pas les voir. Présentement, ils sont tout en bas, minuit. Tout en bas. Tout en bas. Il y a Coroner et Linkin Park. Ouais, ça bouffe un peu. Ouais, c'est la fin de Linkin Park. C'est ça qu'on est sur le. Ah, Slayer. Ah oui. Dillinger Escape Plan. Ah. Du coup, juste après. Pour. Ouais, non, mais j'en parlerai tout à l'heure parce que c'est quoi. D'accord, quelque chose d'autre à dire sur ce groupe ? Non, c'est tout. D'accord, bon, tu veux prendre le relais ou je prends la suite ? Ouais, vas-y. Alors, je vais vous parler de Sanctuary. Sanctuary, ah bah j'ai pas marqué quand ça passe, tiens, j'ai pas fait bien mon travail, excusez-moi, je m'excuse. Sanctuary, ça passe à Altar à 17h40. Exact. Clairement, lors de l'apéro. C'est un groupe de heavy metal américain originaire de Seattle, dans l'état de Washington. Seattle étant particulièrement connu pour une seule et unique chose. Parce que c'est grunge. Non, c'est parce que c'est la plus grande ville de l'état de Washington. C'est ce que j'ai marqué. Ah, ça fait pas. D'accord, le grunge, je sais pas. Alors, initialement formé en 85 et après une dissolution à la suite de divergences musicales en 91, le groupe se reforme en 2010. Ils publient leur premier album. Oh là, ça pue, c'est ça, le temps que tu prends pour dire ça. Ils publient leur premier album en 88, Refuge Denied, dans la même année que. Bah, d'accord, je me suis mal relu. Cet album est produit par Dave Mustaine, leader du groupe de thrash metal Megadeth, et il joue un solo de guitare sur le titre White Rabbit. Voilà, donc ça m'a fait ce que j'ai. C'est pas Jefferson Airplane, ça Quand le lapin arrache sa propre tête. Oui, peut-être, oui. Donc, en 91, il se dissout, après donc avoir sorti un deuxième album en 90. Du coup, parce qu'en fait, il y a Epic qui leur a fait, Epic Record, qui a fait une pression sur le groupe pour que justement, ils se conforment à la scène grunge actuelle. Eux, ils ont dit, on arrête de jouer. Bah ouais, c'est clair. Du coup, Epic, ils ont sorti en 91 un live, on est à 3 albums. Ils se reforment en 2010, en 2014 ressort un troisième album, pardon. Ils ont que 3 albums. Ah oui, d'accord. Et en 2017, il y a un nouvel album qui sort. Qui en c'est fait, le troisième. Non, et ben, en fait, il était enregistré en 86. D'accord. Donc officiellement, ils ont que 3 albums. Wow, alors que pour moi, Sanctuary, c'est un groupe dont j'ai toujours entendu parler. Bah ouais, j'ai entendu parler. Et en fait, c'est parce qu'en fait, en 91, après s'être séparé, il y a 3 membres du groupe, enfin dont 2 membres principalement, Warrell Dane, le chant, et Jim Shepard, le bassiste, qui forme le groupe Nevermore en 92. Et Nevermore est encore un groupe qui tourne plus ou moins, sauf que là, aujourd'hui, ça doit être un peu entre les deux. Voilà, donc c'était juste ça qui m'a beaucoup fait rire, cette histoire de groupe qui existe depuis les années 85 et qui a sorti que 3 albums. Ouais, c'est balèze quand même, il est dur quand même, les mecs. Ils sont quand même dissous pendant... belle performance, voilà. Sinon, ça m'a pas beaucoup plus que ça. J'ai pas été. Pour moi, j'ai marqué que c'était un heavy metal très classique. et la voix du chanteur me gênait un peu. Ouais. Étonnamment qu'il n'a pas du tout la même voix chez Nevermore. Ouais. Non, pas du tout. Donc ça passe en même temps que Devil Driver et Pentagram. Donc c'est un peu cramé, j'allais voir Devil Driver. Ouais. Voilà, donc moi ça m'a pas... C'est tout ce que j'ai à dire sur ce groupe, c'était déjà beaucoup trop long. À toi, Bob. Ah bah, tu vas pas être déçu. Parce que moi j'ai écouté Armdown. Armdown. Qui passe, attends, j'ai marqué Warzone 11h05. C'est un groupe nantais. Ah! Donc des petits Frenchies de Nantes, du coup. Voilà, des voisins. Bah, et c'est d'ultra-violence pure et dure. De la colère. C'est exactement ça. J'ai vu un petit live qu'ils ont fait. Alors, ça doit être en pays nippon, je pense, parce qu'il y avait beaucoup d'asiatiques dans le public. Donc, De gens avec des yeux bridés, c'est ça voilà. Que t'es en train de dire. C'est un peu raciste. Mais je savais pas trop comment m'exprimer en fait là-dessus. C'est pour ça que je préférais mettre le doigt là-dessus directement. Ouais, bien sûr, voilà, c'est ça. Et non, tu vois, c'est la danse, enfin c'est la musique qui se danse avec des coups de poing. Voilà, en d'accord. Lançant les poings très vite et très très fort, comme si tu faisais la bagarre. Tu faisais la bagarre tout seul avec tes gens. Voilà. Tu faisais un kata, ishni sanshi. D'accord. Et voilà. Donc en fait, j'accroche pas du tout parce que c'est la musique violence pour être violence, ça me branche pas du tout. Comme le grind. Non, le grind à la rigueur, il y a un côté. Second degré, j'ai envie de dire festif, parce que j'ai ouais, que c'est festif un peu, aussi. Ouais. Un peu le mot qu'on ressort. Bah ouais, c'est un peu comme Sabaton, c'est pareil, c'est super festif. Quoi. Très très bien. Voilà, donc non, j'irai pas les voir, j'ai pas accroché, mais c'est, voilà. Alors, tu sais qu'en même temps, il y a quand même au même moment Déluge et North Lane, hein, va falloir faire un choix. Hein. Bah, je vais aller à Leclerc. D'accord. Ok. Non, dimanche, j'espère qu'il va être ouvert. Parce que... il va falloir qu'il y aille beaucoup. Merde. Enfin, 11h05. Ah oui, d'accord. Ah, c'est le premier groupe en plus. Merde. Non, deuxième. Oh là là, c'est la deuxième. Non, mais en Warzone. Ah oui, pardon. Oui, premier groupe. Ouais. D'accord. C'est tout ce que. Bah, j'ai pas. Je suis désolé, hein, j'ai pas grand chose à dire. C'est très bien. C'était. C'est comme ça. Tu sais, c'est pas forcément la quantité quand cette qualité-là. C'est vrai. Exactement. Puis bon, je pense que ma chronique était aussi courte que leur morceau. On n'est pas loin du grind, donc. Non, c'est assez court, je crois, d'après ce que j'ai écouté. J'ai pas écouté beaucoup. D'accord. Mais Joe, il y a un public. Joe, t'enchaînes ? Ouais, j'enchaîne sur la main stage 2 avec Skin Dread qui passe à 14h20 jusqu'à 15h. Fin d'apéro. Bah, on entame en fait, c'est la transition. C'est la transition pour le deuxième. Il y a le petit goûter entre deux. Oh non, c'est tôt pour un goûter. Quelle heure c'est ? 14h30. Ah bah non, c'est le début de l'apéro, enfin du repas quoi. Ah bah voilà, on mange. Donc on passe l'apéro, on mange 14 passe au repas. Voilà. Donc on n'ira pas les voir. Ah bon. Ah bah si, oui, bah oui. Ce sont des Britanniques qui font du heavy metal. Qu'est-ce qu'ils font d'autre les Britanniques? C'est pas de la gelée à la menthe. Du thé du... Mais alors attention, c'est du pas heavy metal pas comme les autres. Hein. C'est pas heavy metal bien secoué, bien mélangé, à base de raga et de punk. Oh putain. Et eux ils innovent quoi. Bah j'ai trouvé ça nul. Ouais, mais nul. Écoute, c'est faut dire que c'est quand même bien fait parce que en fait c'est malgré tout ce qu'ils pas. Ont pu faire le côté raga en fait c'est ça va être dans la voix. Donc précisément ouais. C'est le chanteur Benji qui voilà, apporte ce petit côté raga. Et puis tout ce qui va être punk côté métal ça va se ressentir dans l'instrumental, les guitares, tout ça. Et je trouve que il faut arriver à mélanger tout ça et faire quelque chose de bien. Et ça a été fait. Après, moi, c'est pas du tout... Ouais. En gros, tu veux dire que c'est bien d'avoir tout mélangé, sauf que toi, le résultat, ça te plaît pas. Le résultat me plaît pas. Voilà, c'est ça. Mais tu rends compte que le résultat est bien fait. Ils ont réussi à faire ce qu'ils annoncent. Voilà, mais ça. Toi, mais le résultat, t'accroches pas. Voilà, c'est ça. J'accroche pas. Petite précision, en fait, ce groupe s'est fait connaître au Download Festival parce que quand le groupe Korn passait, Benji, le chanteur de Skin Dread, a remplacé Jonathan Davis qui a dû quitter le concert pour cause médicale en urgence. Voilà. Et ben, donc en fait, voilà, ils se sont fait connaître. Bah ça. Après, moi j'aurais été là, j'aurais pu le faire s'ils m'avaient demandé. Je veux dire, s'il faut rendre service, je peux le faire. Oui, bien sûr. Bah, moi, pareil. Hein. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est. Bon, moi, c'est pas mal. Ouais, ouais, ça va. Oui, ouais, c'est ouais, bien. Ouais. Alors, ouais, non. Okay. Vraiment, si t'as un chant raga, une guitare punk et une batterie heavy metal, ça doit être un sacré bordel. D'accord. Et du coup, ça passe en même temps que Irax et Crippled Black Phoenix. Je ne connais aucun des deux. Très très bien. Crippled Black Phoenix, ça si, moi je l'ai. Alors attention, est-ce que Bob est en train de marquer quelque chose à Joe? Est-ce que c'est pour qu'il le lise ou c'est pour que ça reste entre lui et ses persos? C'est ton 06 que tu lui donnes? Ouais, c'est exactement ça. Très très bien. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Qu'est-ce que tu... D'accord. D'accord, ok, je sais pas ce que c'est. Non, je dis écoute Bad Brain. De... Ah, le groupe? Ouais. D'accord, ah, écoute Bad Brain, ah oui. Parce qu'il y a du raga dans Bad Brain? Bah, il chante un peu façon reggae, raga, ouais. Oui, mais t'as pas entendu? Le résultat est réussi, mais ne lui plaît pas. Ouais, non, mais après, peut-être qu'avec Bad Brain, ça va être différent. Voilà, ouais. Parce que là, c'est plus raga punk. Il n'y a pas heavy, machin, c'est plus vraiment... Parce que toi, Bob, du coup, ce mélange-là, tu... Je sais pas, il faudrait que j'écoute Skinhead pour voir. Ouais. Non, mais après, bah, je connais deux noms. J'ai écouté vite fait, c'est passé comme si de rien n'était, je me suis pas, j'ai pas accroché non plus. Donc je voudrais poursuivre un peu plus, mais j'ai pas eu le temps de... J'ai pas un avis définitif dessus. Skinhead, ouais, d'accord. D'accord, c'est tout ce que t'as à dire sur le groupe, donc tu n'iras pas les voir, hein. Ouais, c'est... bah je pense pas. Après, je regarde ce qui passe à côté. Crippled Black Phoenix. Si jamais. Si jamais. J'irai à l'apéro. Skin pour ce côté qui est Dread pour le côté Raga. Ok, donc j'enchaîne avec While She Sleep pendant qu'elle dort. Oh. Ouais, c'est mignon. Là, c'est pas le groupe. Image, machin. J'ai encore rêvé d'elle, non, c'est pas ça? Non, non, je pense pas. Qui se sera formé, tu sais. Ah, peut-être, mais pas là. Donc, il passe à la Warzone à 12h15, 12h45. Horaire délicat, parce que complètement... À l'heure de l'apéro. Voilà. Et il passe en plus en même temps que Vili Chorus et The Devil Wear Prada. Alors, sachant que je n'ai jamais été un grand fan de mode, il y a peu de chances que je... Ouais, mais c'est le diable, quand même. Bah, ouais, bon. Alors donc c'est un groupe de metalcore britannique originaire de Sheffield. De Sheffield. Parce que je vais dire de Sheffield en Angleterre et je me suis arrêté donc ça fait de Sheffield. De Sheffield. Donc ce qui est important de savoir c'est que Sheffield est une ville du nord de l'Angleterre située au confluent du Don et de la Sheaf. Voilà, je tenais à préciser. Mais la Sheaf elle est comment? Eh ben elle est pas mal. Ouais. Et, tu fais bien de le dire, parce que la Sheaf est une rivière du Yorkshire du Sud, où, d'où elle tire son nom. Field signifie champ en anglais. Ah, tu vois. Voilà. Sheffield se trouve dans le comté du Yorkshire du Sud et possède le statut de cité. Ah. On n'en parle pas assez. Bah, tu vois, sa prospérité que je te est due lance, mais... à son passé industriel et plus particulièrement à la sidérurgie. Exact. Qui est un mot qu'on emploie très peu, je trouve, dans un. C'est vrai. Dis donc, au niveau de la sidérurgie, moi, ça. Ouais. À Condé, il fabrique. C'est vrai, c'est vrai. Donc, leur style est plus considéré comme du metallic hardcore. Du metallic hardcore. C'est un nom alternatif, c'est ce que j'ai lu par des critiques. Du genre Metallica hardcore ou du metallic hardcore plutôt metallic hardcore, j'aurais d'accord. Dit. Les groupes citent comme influence musicale des groupes de post-hardcore. De punk hardcore, de metal alternatif tels que Thrice, Rancid, Rage Against the Machine et Bad Religion. Voilà. Ouais, d'accord. Et donc j'ai bien aimé le guitariste qui, au niveau de son, pour le deuxième album, n'hésite pas à déclarer que leur son est super lourd mais aussi mélodique. Voilà, ah oui. C'est un petit peu la phrase la plus bateau que t'entends. Notre nouvel album, bah, c'est le plus heavy. C'est le plus. C'est, ouais, c'est l'album de la maturation. Exactement. J'ai écouté Four Walls, Seven Hills et New World Torture principalement. J'aime bien le metalcore, moi ça me dérange pas. J'aime bien. C'est du bon metalcore sans révolutionner la chose. Il y a beaucoup de refrains chantés à tous ensemble. Ouais. Et, côté fraternité. Voilà, c'est efficace. J'irai peut-être les voir. C'est bien. C'est bien. Voilà. C'est pas. Ça m'a pas déplu de les écouter, mais j'ai pas dit il y a quelque chose derrière ce groupe. Voilà, c'est du metalcore. Ouais, je trouve que le metalcore. C'est bizarre, je dis ça comme ça. Mais je trouve que le metalcore est. Enfin, pour l'instant, en tout cas, de ce que j'ai écouté, il n'y a pas un truc où ça m'a vraiment méga transcendé en metalcore. Moi, ouais, mais... bah, c'est comme le grind, hein, c'est pareil. Non, non, non. Ça transcende pas. Je préfère le metalcore. Ouais. D'accord. Voilà, Bob. Bah donc moi je suis sur la Ghost, Ghost Bass. Ah, le fantôme. Bah en fait ça veut dire suicide par la noyade en fait. Ah merde. Ouais. Donc faut pas faire de blagues. Bah non. Parce que c'est pas facile en même temps suicide par noyade. Ouais. C'est quand même compliqué. C'est assez dur. Ouais. Sauf si c'est pas toi qui te suicide, que c'est quelqu'un d'autre qui te suicide. Ah mais dans ce cas-là tu dis meurtre par noyade. Murder for the bath. Ouais c'est ça. Mais c'est pas le même groupe. Bah non du coup. Ah merde. Ouais. Donc est-ce que quelque part le groupe... Est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'en parle? J'essaye de me défiler comme je peux, ça marche. Il passe où? Bah sur la Temple. Hein. Ah oui. Voilà. Bah oui, d'accord. En même temps, à 15h05. Ah bah là on est complètement dedans là. Ah bah complètement. Ah bah là. Là on sort de l'apéro, c'est le Dijon. Oui je mange pas moi, l'apéro Dijon, c'est direct. Ça parle beaucoup d'alcool, ils vont ton émission. on est sponsorisé. Hein. Bah oui, totalement. Par beaucoup de sponsors. D'ailleurs, Joe, serre-toi. Ouais, t'as l'air d'être assez qu'on remette ça. Comment dire, c'est du black, post-black shoegaze. Ah ouais, mais à chaque fois, moi, c'est marrant. C'est quoi, j'en ai eu aussi du shoegaze. Ah ouais, bah, j'ai eu Death Heaven. Oui, c'est vrai, Zach. Comment dire, je crois que j'ai pas écouté en plus. Je suis désolé, mais j'ai même pas cherché Black Post. Mais j'écouterai peut-être un jour, le prince viendra. J'en sais rien. Franchement, T'as pas écouté? Non, mais je peux pas critiquer. Je précise simplement ce que c'est. Ah d'accord. Hein, ça passe sous la Temple à 15h05. Allez voir, ça va être bien. Donc t'as même pas écouté une chanson? Non, peut-être, je ne sais plus. Parce qu'en fait, je me suis retrouvé avec pas mal de Black, moi. Du coup, je ne sais plus quoi et quoi. Et du coup, je suis un peu paumé. Mais c'est pas grave, je attends, pique un peu la vedette à Joe. Ça va être facile, est-ce qu'il y en a un qui t'a plu dans le black? Alors, j'ai eu Beyoncé. Non, mais pas, mais. Attends. Crame pas toutes tes cartouches. Si, enfin, ça m'a pas plu, mais c'était différent. Il y a un truc. D'accord, bon, bah, on va dire que celui-là. Il y en a un, si, mais après, c'est un groupe français aussi, donc. Ah. Mais que, ouais, c'est pas dégueulasse. D'accord, bon, bah, donc on va lui mettre un. Mais Ghost Bass, non, franchement, là, je vais peut-être écouter, je ne sais pas. Puis, Allez, ça serait bien que tu l'écoutes pour ta chronique. Comme ça, quand tu la feras. Bah écoute, on va le mettre maintenant, comme ça tout le monde va pouvoir se rendre compte. Hein, okay, en enfoiré. Ok, d'accord, très bien. Bon, bah, on va dire que c'est tout ce que tu as à dire. Là, sur Ghost Bass, ouais. Ok, en fait, on aurait dû rester faire des blagues sur le nom. Ouais, bah, là, c'était bien ça. Moi, j'aimais bien. Ok. Bon, bah, Joe, à toi. pardon, excuse-moi, peut-être que tu as écouté, toi. Non, pas du tout. Il se fout des gueules du monde, regarde, t'as mis tout en vert là, donc t'as dû forcément y passer. Un coin. Mais oui, donc t'as pas écouté? Bah non, parce qu'en fait, Ghost Bass, c'est le dimanche. Eh ben, t'es sur le dimanche là, non? Ah, t'es sur samedi? Je suis sur samedi. Ah, pardon, excuse-moi. Ah, il a rien mis en vert. Je suis en retard. T'es complètement à la bourre. Ouais. Ok. Très très bien, bon, vas-y. Là, je vous annonce du coup mes premiers pas vers le death metal. Oh. Avec David Driver. Oui. Oui, ça va. Ah, je pensais que t'allais sous la Temple, c'est tard. Je vous annonce. N'empêche que. Ça y est, bon, c'est vrai. Je suis passé du côté obscur. Voilà. J'ai écouté du Devil Driver. Bon, et bah, il passe à Main Stage 2, 17h35, 18h20. Oh, bah là. Oh, tranquille. Donc, Transat. Je vais pas dire grand chose sur ce groupe. En fait, je vais juste aller les voir. Tu vas pas dire grand chose? Non, je vais aller les voir. Bah en fait, si, quand même. Je ferai un retour. Bah, essaye, fais pas comme moi. Non, mais c'est pas ça, il y a plein de trucs à dire en plus sur ce groupe. Ouais, bah oui, moi, je comme par exemple le chanteur. Le chanteur? Au moins, minimum, ça c'est le basique. Le chanteur, c'est un chanteur d'un autre groupe. Bien connu des années 90. Ouais. Que qui était dans le nu metal. Voilà. Alors, nu metal a tendance quand même un peu. Qui était sous Roadrunner, tout ça. Ouais, mais beaucoup moins, on va dire, mainstream que tout le nu metal. Ouais, c'est quand même. Ouais. Non? Non, je. Cold Chamber? Non, tu vois. Loco, tutin, loco. Bah, très mauvaise imitation. Mais loco. Non? Bah, t'écouteras. Non, bah, t'écouteras pour comparer avec David Driver et tu vas dire, c'est pas possible, c'est pas le même groupe, c'est pas le même chanteur. Enfin, on reconnaît la voix, mais tu vas dire, les deux styles sont tellement différents que. Regarde, j'ai pas bossé. Voilà, mon gars. Donc, tu vas pas en parler parce que tu iras juste les voir, c'est ça? Ouais. T'as bien aimé, voilà, donc. J'ai carrément bien aimé. Ouais. Bah c'est un peu. Ouais, c'est vachement rythmé, c'est assez cadré et tout là. Tout est bien structuré, la voix, les guitares et tout, c'est hyper aérien, c'est rapide, c'est rapide. C'est trop mortel. J'étais emporté tout de suite quoi. Par la foule. Je tiens à rajouter en fait que Daily Driver, c'était quand même un petit peu mieux avant. J'ai pas écouté le dernier album. Moi, ça qu'il est sorti en plus il y a longtemps. C'est ça. Et ben non, mais ok, très bien. Donc c'est tout ce que t'as vraiment à dire. Ouais, je me fous un petit peu de notre gueule, c'est pire que toi, Bob. Okay, ah, très bien. Merci, ça fait plaisir. Même quand je fais pas de chronique, j'arrive encore à être meilleur. C'est fou. Non, mais bon, t'as drôlement bien aimé, donc c'est ce qu'on retiendra. Sachant qu'en face, il y a quand même Sanctuary qui passe. Hein. Dommage. Bah, ils ont trois Dommage albums. Pour eux, ils je ont, serai pas là. Ils ont trois albums. Ils vont être déçus, mais. Et Pentagram, je connais pas du tout. C'est pas un groupe de vieux, ça, Pentagram? Non, j'aurais dit un groupe de sataniques, mais je peux me tromper. Ouais, de vieux sataniques. Ah, peut-être. Bah, je sais pas, ils passent sous la vallée. Ce qui n'est pas incompatible, tu me diras. Non, je pense pas, non. Très, très bien. Eh ben, je passe à Metal Church. Alors, ça passe à Altar à 21h50. Et ça passe en même temps que Clutch et Five Finger Death Punch. Autant dire qu'ils sont pas très, très deux bien. Écoles différentes. Voilà, et puis ils sont pas super bien placés. Ah, on est pauvres. Donc c'est un groupe de heavy metal américain originaire d'Aberdeen dans l'état de Washington. Mais bon, je rappelle que la plus grande ville de l'état de Washington, c'est Seattle. C'est Seattle. Alors le groupe compte 9 albums studio et un album live. Ah quand même, ils ont plus bossé que certains depuis 83. Et donc entre 84 et 2008, ils annoncent l'arrêt de leur activité en juillet 2009 par un communiqué sur son site officiel. Je comprends pas ce que tu dis. Pardon, je recommence. Ils ont sorti leurs 9 albums studio et un album live entre 84 et 2008. Ouais. Et ils annoncent l'arrêt de leurs activités le 7 juillet 2009 par un communiqué D'accord. sur leur site officiel. En 2016, sort un nouvel album intitulé 11. Voilà. Ah, c'est... Ah bah je... Moi je la blagounette avec Black Sabbath, 13, non ? Peut-être, je sais pas. En tout cas, ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait 20 anciens membres répertoriés. Ah, quand même. Ouais, ouais, ouais. Et qu'il y a une voix aiguë. Alors, il y a une voix aiguë à la King Diamond. Ouais. Qui laisse un petit peu de côté dans les albums les plus récents. Et franchement, bah, c'est pas un mal. Ouais. Parce que la voix aiguë qui rentre, j'aime pas. Enfin, si ça marche avec King Diamond, mais voilà, c'est tellement le personnage que. Ouais, c'est plus ça. Donc, c'est du heavy très efficace, je trouve, mais et avec des bonnes cassures de rythme dans les riffs, tu sais, genre des trucs, enfin des bons changements, j'ai trouvé que ça s'écoutait super bien. Mm-hmm. Beaucoup plus les derniers albums que les premiers à cause du changement de voix, et c'est dommage qu'ils soient très très mal placés parce qu'entre Clutch, que j'ai peut-être envie de découvrir en live, et Five Finger Death Punch, qui j'ai vu en 2015 et qui déchire grave. Voilà. Donc je sais pas quoi aller voir, j'irai sûrement pas les voir. C'est vrai que les pauvres ils sont un peu mal placés. Mais en fait j'irai pas les voir pas parce que j'ai pas envie en fait, c'est juste parce qu'il y a d'autres groupes que je préfère. Bah oui c'est voilà, ça. C'est ça. Donc c'était quand même pas ils sont trop mal. Quand même il y a deux grosses pointures quoi. Voilà c'est ça. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le. D'accord. Et bien moi donc Beyond Creation. Ouh là là. Altar. 16h. Alors du goûter. Ah là ouais, là d'accord. Donc préparez vos... Vos BN. Ouais, vos BN et vos nounours. Et vos retraits des blés. Zach, fraise ou chocolat ? Vanille, je crois, non ? Excellent. Je crois. Donc c'est un groupe canado-français. Aïe. Ouais. Ça doit pas être plus simple pour les répètes. Non, c'est sûr. C'est quoi le... Vas-y, le. Putain, j'y ai pensé dès que j'ai vu ça. Faut que ça envoie du. Non, c'est faut que ça tabasse, tabernacle. Alors, donc, c'est un groupe de death metal. Et moi, j'ai vu sur la critique une déferlante d'asperges dévastateurs. Ah, carrément. Ouais. Mais en fait, c'est pas ça. Je me rappelle pas du mot, en fait. En lisant vite, et puis avec ma dyslexie. C'est ça, c'est ce qui m'est arrivé là. Déferlante d'asperges dévastateurs. Non, c'est super technique. Ah ouais basse fretless, truc de fou. Et en fait, ça apporte complètement un autre aspect au death metal. Parce que, ça, en fait, j'ai marqué, c'est le fils bâtard de Gojira et de Primus. Ah, carrément. Ouais. Mais écoute, tu vois, c'est chelou. La basse, il fait des trucs de dingue que t'as jamais entendu dans le death metal. Quoi. Et ça, au début, ça part, donc il joue plus avec sa basse, il fait ses petits trucs. Quoi. De base. Musicalement, ça sonne pas trop mal. Moi, je suis pas un gros fan, mais bon, tu te dis, ça change, c'est différent, ok, ça m'a pas transcendé. Et la voix après, death metal. Ah ouais, truc de dingue. Quoi. Ouais, mais il reste toujours sur une ligne de basse. Chelou. D'accord. Ok, d'accord, le mélange est totalement bizarre. Donc après, voilà, basse. Ah oui, mais non. Mais oui, mais non. Parce que ça passe en même temps que In Nino, donc... Ouais, voilà. Et Ufo Mammouth. Alors, Voilà, moi je connais pas UFO Mammut, mais bon, eh. Mammut. Il Nino. Oh, le mec Nicky Larson. Non, c'est Nicky Larson. Oui, Larson. D'accord. Okay. Oui, on est tous des enfants des années 80. Bref. Enfin, par Joe. Mais la question n'est pas. Donc, tu iras pas les voir ? Non, je pense pas. Quand même pas, dans la blague t'as fait rire. Ouais, c'est intéressant. Ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant. Oui, mais par contre, du coup, UFO Mammut ou. Il Nino, alors je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais réécouter UFO Mammut. Non, ben non, c'est Nino. T'insistes. Tu veux faire comme avec Limp Bizkit, c'est ça hein? Tu veux me traîner là-bas en me disant que tu vas voir. Tu sais que je suis capable de dire. Ouais, ben je retourne voir. Je dis pas parce que tu m'as raconté l'histoire du gars du gratteux. Ah, t'as vu. Du gratteux qui était plutôt intéressant. Donc ça m'a. Voilà. Je me suis dit, ok, d'accord, j'ai pas tout perdu sur Limp Bizkit. Mais. C'est vrai, et puis il l'était. Et Nino, qu'est-ce que tu as à me donner pour que. Eh bien, que à l'époque de Superchargeur, de Machine Head, ils avaient recruté Aaron Larue, enfin je ne suis pas sûr du nom, un truc comme ça, enfin ils avaient recruté un guitariste pour remplacer Logan Meder. Eh bien, ce mec-là a quitté Machine Head pour aller dans Nino. Est-ce que c'était un bon choix? Je ne sais pas. Oui, bah oui, voilà, voilà. C'est ça. Donc, donc si jamais tu as envie de le revoir, il est là. Oui, je crois que Machine Je tiens juste à pour défendre Nino, parce que bon, c'est devenu un running gag et tout à chaque fois, mais je les avais vus dans un concert et il y avait à un moment donné le videur qui était en train de récupérer les gens qui faisaient des slams et tout ça. Et à un moment donné, le chanteur a stop, il a arrêté le concert et il a dit au videur: maintenant, tu les laisses tranquilles et tu les laisses s'amuser, sinon moi et mes potes, on descend et on t'éclate ta gueule. J'avais trouvé ça super cool. D'accord. Parce que en fait, les mecs de Nino, c'est des Mexicanos, enfin, ils sont pas mexicains, mais ils sont. C'est des... Ouais, j'avais le DVD Roadrunner. Ouais, et ben ils sont plutôt balèzes. Ouais. C'est pas des gringalets quoi. Oui, bah oui. Donc c'était assez impressionnant de voir ça. Voilà, c'était pour la petite histoire. Mais on en a oublié Beyond Creation, qui n'est donc pas ton groupe phare. Non, pas du tout. Très très bien. Non, je crois que l'ampoule est pétée. Et un phare sans ampoule. Surtout que ça doit être chaud à changer en plus. Bah, c'est des grosses ampoules. C'est des grosses ampoules et tu les montes comment dans l'escalier ? C'est ça qui est pas évident. Est-ce que du coup. Comment on fait ? C'est quoi ? T'es emmerdé si ça a baïonnette en plus et que t'as pris une Alice. T'es baisé. Tu les tournes dans le sens. Putain, la merde. Voilà, on la laisse tomber. Ça. Avec une lampe de poche. Vite, vite. Avec ton téléphone. On s'égare. Joe, à toi. Bah, pour le coup, je vais vous parler d'un groupe dont on a déjà parlé dans le premier épisode, je crois. Perturbator. Qui passe au temple. De 1h05 à 2h05. Je n'ai aucun souvenir de ce qu'on a dit sur ce groupe. Bah, faut écouter les podcasts. Parce qu'en fait, on avait pris au hasard au début. Mais ouais. Il était sorti celui-là. Non, parce que moi, je me rappelle que j'ai vu un groupe que j'avais. D'accord. Tadada, je ne sais plus lequel que j'ai eu. Et que on a eu Linky. On parlait un petit peu des groupes qu'on avait écoutés hors tirage. Ouais, c'est ça. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, voilà, c'était ça, c'était hors tirage. Ok. J'en avais parlé un peu. Donc je vais refaire un petit tour rapide. Perturbator, c'est un DJ parisien. Ah mais oui, c'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'on en avait parlé. Électro. C'est lui l'arnaqueur en fait. C'est vraiment l'arnaqueur. Électro métal. Il passe où ? Attends. Temple. Il y a peu de chance que j'y aille. Métal futuriste à base d'électro. Super sombre. Donc, Temple en général. Tu vois, ça crée une atmosphère un peu plombant et tout. Je pense que. Mais c'est un DJ, mais je veux dire, t'entends des instruments quand même des trucs, Ouais. Vraiment ? Bah ouais, c'est instrument style, bah pareil, t'as du clavier. Je veux dire, on n'est pas sur du Skrillex ou du truc comme ça ? Non. Non, là, il y a vraiment. Là, c'est plus une vraie atmosphère, si tu veux. C'est, il a vraiment créé quelque chose. D'accord. Ouais, un peu comme Carnival et Nicole. Et si j'ai juste chopé une info, par contre, elle n'est pas complète. Ah bah. J'ai juste vu que ce mec, avant, était un guitariste de black metal. Et j'ai pas trouvé dans quel groupe il a joué. Ah bon ? C'est le guitariste de Primus. Pourquoi pas. D'accord. Voilà, c'est juste la petite info en plus de la dernière fois. Mais okay. Du coup, c'est dommage. Ouais, elle est pas complète. Trouvé, Bah ouais, du coup, ils nous vendent du rêve. Bah ouais, c'est ça, moi, tu vois. Je commençais à me dire, oh, cool. Que je vais pas y aller. Voilà. Bah, tu m'as pas super donné envie d'y aller. Hein. Je vais pas te mentir. Moi, au début, si tu veux, je trouvais ça assez perturbateur. Intriguant. Et puis, ça comme un groupe, j'étais parti pour aller voir ça. Bon, après. J'ai pas écouté, il passe en même temps que The Dillinger Escape Plan, je connais pas. Donc, bah, tournée d'adieu. Dis pas Slayer, je connais pas. Faut surtout pas dire ça. Surtout pas. Non, il y a des groupes. Mais Slayer. Oui, Slayer, tu vas passer voir The Dillinger Escape Plan parce que c'est leur tournée où ils arrêtent après. Ils se séparent et tout. Mais t'es Slayer. Ouais, parce que j'allais dire, ouais, c'est. Ils arrêtent. C'est pas des vieux, ouais. Slayer, c'est fête, un vieux, lui. La fête, hein. C'est ça. D'ailleurs, Bob peut en témoigner, à Ed Charger, on a beaucoup fait la fête. Grave. Voilà. Ouais, hein, au moins pendant un bon quart d'heure. Un facile, bon quart d'heure, on a fait des. Comme ouais, tout ouais, ça, donc. Ouais. Voilà. Ouais. D'accord. Donc, du coup, oui, non, au final, je sais. Non, t'as dit non, c'est ça? Oui, il rigole. Non, je pense pas, non. Ah, c'est vrai, ouais. D'accord. Et si vous voulez, je peux enchaîner avec un groupe parce que j'ai rien à dire dessus en fait. Ah ok. Bah écoute, ça te fera un long. Non, bah tu vas le garder parce que ça te fera un long. Là, ça te fait long, moi, du coup. Bah oui, après. Non, c'est trop long. Vas-y. Jacques. Michel, Patrick. Ouais, je sais plus qui je suis. Écoute, on s'en fout. D'accord, donc. On va t'appeler Jack. Ça tombe vachement bien. Excellent. Donc, je vais parler de Linkin Park. C'est quoi ça? Alors, je vais te le dire. Tu vas tout de suite savoir ce que c'est. Il passe en main stage 1 à 23h. En dernier en plus. Ouais, en même temps un que. Un petit groupe pas connu, il passe. Que Coroner et O'Kine. O'Kine. O'Kine. O'Quind. Oh, mais merde. Linkin Park est un groupe de nu metal américain. De nu metal. Originaire d'Angora Hills, en Californie. Et ils ont fait. Dans l'état de Washington ? Bah non, c'est en Californie. Que c'est Seattle la plus grande. Ah, c'est ça. Alors, ils ont sorti un album, Hybrid Theory. Ils n'ont sorti qu'un album. Il est sorti en 2000, il s'est écoulé à plus de 24 millions d'exemplaires. Et voilà, c'est tout. Après, certifié disque de diamant par la RIAA. Celui-ci fait partie des albums les plus vendus du 21e siècle. Voilà, c'est tout ce que j'ai sur le groupe. Voilà. Okay. Et puis, bah, j'irai sûrement les voir. Je sais pas. Genre, je jetterai peut-être une oreille. En fait, je n'aurais pas jeté une oreille, sauf que cette semaine, j'ai vu une news qui passait où ils ont quelqu'un sur le groupe, d'ailleurs, j'ai entendu du bruit. Ah oui, d'accord, non, c'est au loin dans ma maison. Ils ont sorti une playlist du concert qu'ils ont fait récemment. Et en fait, il y a beaucoup d'anciens titres qui sont joués. Donc, faut pas se fier à ce qui sort en ce moment. Ouais. Et en fait, je voulais juste revenir sur un point, c'est que. Effectivement, Hybrid Theory est un putain de bon album. Juste, tu peux aller dire à la petite fille que t'as foutu dans ton garage d'arrêter de gratter à la porte. Enfin, tu vas la nourrir, tu vas lui donner de l'eau, je sais pas, fais quelque chose. Super chiant. Je n'ai pas prévu de la nourrir. Elle est enfermée parce qu'elle n'a pas été sage. Et elle le sait. Et voilà. C'était pas une raison pour lui couper les doigts non plus. Quoi. Et au moins... Bah, elle gratte avec les dents. Elle gratte avec les dents et c'est vachement chiant. Non, je voulais juste dire que Linkin Park, donc Hybrid Theory est un très bon album de nu metal. Meteora aussi, le second. Et qu'en fait, ce qu'on n'aime pas souvent avec la suite de Linkin Park, c'est qu'ils ont tenté juste autre chose. Et au final, c'est que, bah, en fait, j'ai envie de dire que ça rejoint un peu ce que disait Bob tout à l'heure, c'est ce qu'ils ont tenté ne nous plaît pas. Mais le fait qu'ils aient tenté quelque chose montre quand même... peut-être une certaine ouverture d'esprit ou l'envie de gagner tous les publics et ce sont juste des petits bâtards. Voilà, c'est tout. Ouais. Comme l'a fait Annie Cordy à une époque. Elle a fait du Linkin Park ? Non. Elle a voulu gagner tous les publics. D'accord, très bien. Donc voilà, donc j'irai peut-être potentiellement les voir. Ce qui n'est pas si mal. Dans l'éventualité où. Voilà. Bah. Ouais. Bon, je jetterai peut-être une oreille pour dire je les ai vus, voilà. Bah moi j'irai pas les voir. D'accord. Joe ? Moi j'irai faire un tour. Ouais, Joe c'est un vrai. Un tour. Bah ailleurs, juste un tour. Il fera un tour puis voilà. On se barre. D'accord. Ok. Allez, à moi. Alors, eh bien moi j'ai Regarde les hommes tombés. Ah la lavasse. J'ai écouté un peu. Ouais. Oui. Bah écoute, moi j'ai regardé un petit. Enfin j'ai survolé de mes oreilles papillonales. un live au Ferrailleur. Ah. Et bah écoute, ce que j'en ai entendu, ça m'a pas déplu totalement. Mais ouais, c'est pas si considéré comme un groupe de black metal, mais c'est vrai qu'il, autant pour moi, il passe sous la Temple à 13h35. Ah bah merde. C'est un groupe nantais. Ah oui. Pour bien faire. C'est marrant, j'en ai deux. T'es régional, toi, comme mec, en fait. La dernière fois, c'était des groupes suédois. J'ai eu beaucoup de groupes suédois. Maintenant, je suis groupe... un mec de la géographie, en fait. Ouais, je pense que c'est ça. J'ai dû louper ma vocation. C'est beau. Professionnel. Exact. Et donc, c'est vrai que ce que j'ai entendu, ça sonnait plus doom, moi, au début. Vraiment. Ça repique un peu sur le doom. Ils auraient, limite, tu vois, pu jouer à cheval sur la vallée et la temple, du coup. D'accord. Ouais. Mais ouais, bon, bah après, ça reste un groupe de black quand même. Le chant est. Et black. Est définitivement black. Mais voilà, bon, bah c'est un. Est-ce que pendant ce concert au Ferrailleur, tu as vu des hommes tomber? J'en ai pas vu, non. Non. Mais c'était mensongère, quand même. Ouais, je pense. Regardé, ouais. En fait, c'est pour ça, je pense. Ah, est-ce que tu en as vu tomber, toi? T'en as vu tomber? Non, mais c'est écrit, regarde. Bah oui, c'est pour ça. Ouais, bah c'est ça. Mais peut-être que c'est une publicité mensongère. Mais peut-être que j'ai simplement écouté et du coup, j'ai pas vu. Et c'est peut-être ça. Qu'il y avait des hommes qui tombaient. Peut-être, c'est vrai. Ça serait super cool quand on s'est... D'accord. Donc voilà, bah, j'ai pas grand-chose à dire. Ça reste du black metal. Eh ben, c'est vrai. Mais moi, j'ai pas non plus spécialement tombé. Je suis tombé sur une chanson qui était hyper longue et hyper planante. Est-ce que quelqu'un t'a vu aussi tomber sur cette chanson? Eh ben, je ne crois pas. Peut-être arrêter là les blagues. Oui, parce qu'on la maîtrise pas celle-là. Non, celle-là on n'y arrive pas. Ouais, non, j'ai pas spécialement accroché, mais je me suis dit, il faudrait que j'en écoute d'autres parce que de nom, le groupe est connu quand même. Mais oui, oui. Donc, est-ce que c'est parce que justement, ils ont un nom qui n'a rien à voir avec leur musique? C'est un nom assez étrange, je regarde les hommes tomber. C'est... Oui, mais ça te fait pas penser à ça, tu te dirais, ouais, c'est un groupe de français électro qui vient de sortir et qui joue pour les bobos parisiens. Un peu. Ou ouais, je dirais pas ça. Ah, bon. D'accord, bah non, tu vois, non. C'est... Non, faut que j'arrête d'écouter des groupes français qui jouent pour les bobos parisiens. Ah bah c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ça te manque. Très très bien. Joe, dernier groupe, c'est ça ou pas? Ouais, dernier. Non, il en reste deux. Bon alors. Ah non, c'est mon dernier. Bah moi, il me reste qu'un. Hein. Ah bon? Ah toi, tu t'es pioché plus de groupes, toi. Ouais. Genre, ouais, j'aime bien Monopoly Zéventaine. Voilà. Non, bah attendez, allez-y, go. Meublé, c'est ça. Mice and Men. Ouais, mais j'en suis à 4, moi. Bah 5. C'est bon, t'as fait tes 4, il t'en reste 1. Ah merde, j'en ai tiré 6. Ah, tu fais des chroniques comme ça pour le plaisir. C'est bien, ça me laisse le temps de chercher. Bah écoute, c'est bien. Parce que j'ai fait que le match. Tu le notes pas. Oh là là. C'est quoi? 1, 2, 3. Of Mice and Men. Ah bah merde, j'en ai fait 6. Qu'est-ce que c'est? Men Stage 2. 19h30, 20h15. Ce serait pas l'heure de... Alors. Ah oui. Ah. Metalcore américain. Tu connais? Oui. D'accord. Et t'aimes bien? Oui. J'aime bien. J'aime pas tout, mais j'aime bien. Alors, je vais juste pouvoir te parler d'un truc. Et c'est ce qui fait que j'ai eu du mal. J'ai trouvé ça dommage. C'est vrai. En fait, c'est la voix qui m'a un peu perturbé. C'est-à-dire que ça part vachement bien. Il part sur une voix vachement... destructrice, quoi, on va dire. Metalcore, quoi, crier, ouais, arracher. Voilà. Crier, et puis arracher. Tout d'un coup, pouf, c'est tout calme. Il s'envole sur une voix douce. Ah, moi, ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a un mec qui s'appelle Serge Tankian qui le fait parfaitement bien. Et c'est qui ça? Je trouve que là. Je sais pas qui c'est non plus. Et ben. C'est pas maîtrisé. J'arrive pas à trouver, ouais. D'accord. Parce que c'est ça trop fait, énervé, ça passe du trop énervé au doux, c'est ça que tu veux dire? Que Serge Tankian, ouais. Lui, il fait plutôt du... Ah, Serge Tankian, je l'avais pas du tout, j'étais sur un autre... Ah oui, il est articulé, alors. Non, c'est ma faute, non. Que non, lui, il fait plus une voix... Bah, il est assez... Bah, disons qu'il a pas gueulé, il a pas vrai... Il chante quand même. Il a une voix metalcore, oh, mais non, pas non, super non, grave, si tu veux. Non, mais il chante. Excusez-moi, Serge, il... Excusez-moi. Oui, bien sûr. Non, Serge, je suis pas d'accord. C'est pas du tout du chant comme dans le metalcore. Les autres, là, ils crient vraiment, ils s'arrachent les cordes vocales quand ils crient dans le metalcore. Que lui, Serge Tankian, il chante. Non, non. Ouais, il chante fort et raillé des fois, mais c'est pas du tout pareil. Ouais, quand et raillé des fois quand même. Du coup, c'est le seul petit rapprochement. Ouais, mais non, j'aurais fait pour critiquer, en fait. Oui, voilà, tu as voulu prendre une référence que tout le monde connaît pour essayer d'attaquer. C'est minable. Ah ouais, ça descend. Ah bon. D'accord, donc en fait, et t'as pas trop aimé, donc du coup. Bah, ça t'a perturbé, disons. Ouais, parce que tu vois, mes premières écoutes, bah voilà, j'étais dedans, quoi. Puis, dès que ça chante. Voilà, dès que. Je sais pas ce qui se passe, ça. Quoi. C'est un arrêt maladie. C'est peut-être le metalcore qui dommage. Te plaît pas trop. Ah, mais moi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, ça me gonfle. Les mecs, autant le chant gueulé, enfin pas gueulé, mais je veux dire le chant bien énervé, c'est... musicalement j'aime bien, c'est propre. Mmh. Quand ça chante bien, gueulant, tout ça, je trouve que c'est nickel, ça va super bien ensemble. Mais quand ça commence à partir dans les niaiseries, machin truc qui vont repartir, et puis d'un seul coup, qui te regueule, hein. Ça, moi je sais pas, j'adhère pas du tout. Quoi. Mais là, ouais, je dirais que là on est plus proche d'un truc genre de nu metal justement. Où ça fait un peu ça. Ça fait un peu plus ça le côté gnangnan, c'est plus que le metalcore, c'est vraiment des mecs arrachés et que. Enfin, je trouve que, enfin, de ce que moi je trouve pas que le metalcore soit justement l'alternance trop variable, soit autant, enfin que ça soit trop large. Dans le tu jeu. L'as peut-être vu, toi, on a vu ça sur Énorme TV il y a peu de temps. Là. Un groupe qui est passé au download l'année dernière, c'est un mec qui portait une veste en jean qui paraît gueuler dans le même style, ça devait être nu metal. Beef Tooth Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, ouais. Je l'ai vu, ouais. Et c'est tout à fait le genre de truc, moi, tu vois, qui. J'accroche pas. Les mecs, ils s'arrachent. Ils s'arrachent à mort sur le refrain. Musicalement, c'est bien, ça, c'est, ouais, ouais, ça pète pas mal. C'est assez. Et d'un seul coup, ça devient. Tout neuneux. Mais je sais pas, j'accroche pas. Alors qu'un système, franchement, c'est. C'est différent, le système. Ouais, le système, c'est quand même différent. Ah, là, tu prends vraiment. Ouais, parce qu'ils ont fait la différence. Ouais, puis ils ont leur son, système. Oui, mais à cette époque-là, il n'y avait pas de metalcore aussi. Le metalcore arrivait un peu après. Alors System était déjà... Et puis t'écoutes le premier album de System, c'est pas du tout ça. Quoi. Ils ont fait un truc limite circus. Quoi. T'écoutes le premier album et t'écoutes Toxicity, t'as déjà deux mondes. Alors, ouais. Par contre, Still This Album, je crois qu'il a été écrit entre deux. Si je me trompe pas. Peut-être, je sais pas. Ouais, je crois que c'est un truc qui a été écrit entre Toxicity... J'aurais dit que c'était un mélange de rareté aussi, tout ça un peu. Ouais, bah justement, c'est des trucs qui ont été écrits qui devaient pas sortir, si je me trompe d'ailleurs, pas. D'ailleurs, en fait, ils les ont sortis. Pour les fans de System of a Down, il y a moyen de trouver sur Internet, même sur YouTube, une espèce de compilation de titres très peu connus, en fait, qui sont enchaînés les uns derrière les autres, comme des raretés ou des trucs de prix sur des bandes originales de films ou de trucs comme ça. Voilà. South Park, par exemple, aussi. D'ailleurs, je fais une toute petite aparté pour dire que apparemment le nouvel album de Papa Roach est super bien. Ah ouais. J'ai lu plein de critiques qui le disaient en disant que c'était top. Voilà. Je tenais à le préciser. J'ai pas adhéré du tout, moi, Papa Roach. Jamais, aucun ça moment. Ça fait super longtemps que je connais. Mais... Ouais, mais même au début, même au tout début. Au tout début, si. Ils ont signé aussi chez Roadrunner aussi, je crois. Je crois qu'ils sont en lien avec. Alors, si je me trompe pas. J'aurais dit GFN, moi, mais peut-être. Ouais. Je sais pas, je crois que j'avais une compil Roadrunner justement où t'avais. Ouais, attends, je confonds peut-être Papa Roach et. Cut my life into pieces. This is my life. Ah bah tiens, on en revient. Eh oui. D'accord. On a complètement dévié. Ok, donc Off My Sandman, tu n'as pas aimé. Non, pas vraiment. Bah, si je devais comparer entre deux groupes de metalcore, je préfère Off My Sandman à While She Sleep. Ou des fois, je préfère While She Sleep à Off My Sandman. Non, en fait, franchement, le metalcore, je trouve que ça se ressemble. Très bien. Donc, il me reste donc deux groupes. Donc, faut que mais je pourquoi toi deux groupes? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh, non, mais... Donc, est-ce que je fais les deux? Ah, c'est dommage, les deux sont intéressants pour des raisons différentes. Alors, vas-y. Bah, je vais faire les deux, je pense. Alors, j'ai commencé par Mortuary. Alors, Mortuary. Mortuary est un film d'horreur américain réalisé par Tob Hooper, sorti en 2005. Mm-hmm. Et non, parce que Mortuary, Cocorico, c'est un groupe français. De Nantes, c'est ça? De Nancy, pardon, de Nancy. Groupe français, en plus, je regarde. Ils ne peuvent pas avoir Nantes. Non. C'est un groupe français de Nancy qui passe. Les un peu aux autres, quand même. À Alta, à 10h30 jusqu'à 11h. Ah oui, d'accord, c'est le premier groupe de Alta. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai cherché quelques infos sur le groupe. Donc, c'est un groupe de death trash français de Nancy. Oui, je me suis mangé sur Franté. Nancy est une commune française située en Lorraine. Que l'on placera plutôt à droite sur une carte, à l'est pour les puristes, et à 280 km de Paris pour les GPS. Ça me faisait rire. Ouais. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que le climat nancéen est de type océanique dégradé. C'est ce qui est marqué sur la page. Ouais, j'aurais dit déstructuré. Ah bah, c'est à influence continentale assez marquée. Ouais. D'accord. Et alors, pour la petite info, Nancy connaît en moyenne 8 jours de forte chaleur et 73 jours de gel par an. Bah écoute, je trouve que c'est plutôt une bonne moyenne. La température moyenne annuelle est de 10 degrés et la température la plus chaude jamais enregistrée à Nancy fut de 39,3 le 8 août 2003. Assez récent. Et la température la plus froide de moins 26 degrés le 15 février 1956. Ah, c'est beaucoup moins récent. C'est beaucoup moins récent. Alors, il est un peu énervé ce groupe-là alors. Alors oui, il est un petit peu énervé. C'est ça. C'est un groupe qui est né c'est de la rencontre. De température, attends, c'est un groupe qui est né de la rencontre de Jean Noël et de Verbès et de Patrick Germonville lors d'un concert où leurs groupes respectifs sont à l'affiche. Ah, c'est dur ça. Alors, ce cher Jean Nono définit lui-même la musique de Mortuary comme rapide, brutale et mélodique en même temps. Patrick, quant à lui, préfère dire morbide, old school, rapide, technique, ultra violente, agressive, rageuse et yéyé. J'aime bien ça. Et moi j'ai rajouté, mais c'est un chanteur. Qu'est-ce que les chanteurs connaissent à la musique ? Alors, sur le site. Le chanteur, il se la pète pas mal, quoi. Souvent. Sur le site, t'as une petite fiche pour chaque membre. Et ils ont fait des rubriques avec un petit peu d'humour à la française. Par exemple, ils ont fait Welcome Morgue, Cold News. News froide, news fraîche, Death Body Band, Death Scography et Book of the Dead. Voilà. D'accord. Et le petit point qui m'a fait rire, c'est que j'ai lu la fiche du chanteur qui dit qu'il est né le 8 novembre 1980 à Nice. Il dit j'ai donc 24 ans et je suis le plus jeune du groupe. Personnellement, je suis né en 80. J'ai pas du tout 24 ans donc le site n'est pas mis à jour depuis. C'est bien extrêmement longtemps. Voilà. Alors qu'on se soit retourné dans le passé. C'est ça. Non, mais... c'est ça qui m'a fait. Mais beaucoup... oui, exactement. C'est ça qui m'a fait beaucoup rire. Et c'est plus death que trash selon moi. C'est peut-être eux qui ont fait l'affiche à l'époque et puis ils ont laissé tomber c'est les. C'est ça, ils ont. Ouais, c'est ça. Non, ouais. C'est ça, mais ça m'a fait rire de tomber dessus aujourd'hui. Ouais, et dire, ouais. Voilà. Là, en fait, t'as des terrains vieux vestiges. Voilà. Ça se trouve, t'es le seul à l'avoir vu. En fait, leur page Facebook. T'as soufflé dessus. Leur page Facebook, elle est mise à jour. Vraiment, j'ai été voir, oui, il y a plein de trucs, mais c'est juste simple. Que leur site, voilà, donc voilà, c'était ouais, c'est marrant. Et c'est donc plus death que trash et j'ai pas plus accroché que ça. Voilà. Ok. Je ferai quand même mon dernier groupe parce qu'il y a un truc qui est amusant dedans. Voilà. Donc je tiens à en parler. Vas-y, je te laisse finir, Bob. Eh ben moi forcément, je vais finir par le meilleur, hein, comme on dit. Enfin pour ma part, bien sûr. Après chacun ses goûts. On dit les coups et les douleurs. Je finis par Clutch. Hey, tu le connais déjà ? Ah ouais, je les ai déjà vus. C'est pas marrant, j'ai fait mon dernier groupe avant. Clutch, c'est un groupe américain, hein, bien sûr. Est-ce que t'en es sûr ? Pas de Seattle. Il est plus du sud. Du Texas ? Centre. Non, pas de Texan. Non, enfin, je crois que c'est Oregon, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, mais c'est un groupe de, comment on pourrait dire, de beaucoup de styles, on va dire blues, stoner, rock, truc bien énergique qui te fout la gouache, voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'ils jouent à la Vallée à 21h50 Non. D'accord. Non, je vais mieux éviter qu'on soit le moins nombreux possible. D'accord. Voilà, j'aimerais que ce soit un petit peu intimiste, tu vois. Comme, T'as envie de finir le festoche là-dessus un petit peu. Qu'on soit peinard, tu vois. D'accord. Qu'on soit que deux ou trois. Donc ça passe sous la vallée, mais à 18h. Voilà, c'est ça. Exactement. En dehors de l'apéritif. Très très bien. Et c'est. Ce groupe fait partie de mon top 5. Hein, des groupes de la vie. Des groupes de la vie, ouais. Ouh. Ouais, ouais, totalement. Donc t'iras pas les voir et t'iras totalement, voir quoi. Five Finger Death Punch. Non, je pense que je vais aller voir Metal Church. Okay. Parce qu'ils sont entre les deux et je vais être là. Tu peux pas choisir. Je vais être tout seul, leur dire les gars, je suis avec vous. Eux, ils ne seront pas tout seuls. Respect. Metal Church, ils sont attends, c'est des vrais. Bien mecs. Sûr, c'est attends. Des purs de dur. Non, non, moi j'irai revoir Clutch encore et encore en espérant qu'ils fassent. Electric Rory, histoire de. Ouh! Si mes... On fasse la fête? Hey, si mes souvenirs sont bons, c'est le groupe que tu attendais. Grave. Voilà. Bah oui, parce qu'en fait, ils ont sorti Physical Warfare et Earthrocker et ils sont pas venus. Ils je les ai pas vus depuis deux albums en fait. Ils sont passés à Paris et tu les as pas vus. Bah ouais, on aurait bien aimé les voir, mais c'est toujours pas évident parce qu'ils se sont passés après Eagle of Death Metal. Voilà, juste après, ils sont passés quoi? Deux, trois jours, je crois, après? Donc ça aurait été un beau gros bordel d'aller les voir. Et puis t'avais pas de place. En plus on n'avait pas de place. Ouais. Ouais. Et en plus à la base on voulait aller voir Eagle of Death Metal. Voilà. Donc voilà. Mais ouais, non, ce coup-ci, non, je vais aller les voir, je vais pas les louper. Et bah, ils font un petit set d'une heure, donc la dernière fois, je crois que c'était 45 minutes, 50 minutes, je sais plus. Ils ont joué ailleurs? Et ils ont perdu. Au Hellfest, ils ont joué. Ils ont joué. Ah tiens, ça me rappelle quelqu'un. ils ont joué, je crois, sur Main Stage, si je me trompe pas. Une fois. Et après, ça a été. Terroriseur ou Rockard, je ne sais plus le nom des anciennes tentes. Et puis bah après, ça a été Valet. D'accord. Voilà. Et moi, je les ai vus deux fois, du coup. Et ça leur va mieux, la Valet, de toute manière. Comme Red Fang, c'est pareil. Ok. Très bien. Donc, tu recommandes un plus mais à 2500,7777. Ouais, je sais pas trop changer, c'est ça, c'est un peu banal. Non, je le recommande vivement. Est-ce que ça t'a convaincu? Pure énergie, et, pure show. Énorme. Five Finger Death Punch, je connaissais déjà un petit peu, j'en avais déjà écouté. Allez voir l'interview de Nel Fellow. Ouais, et du coup, j'ai pas écouté Touch, donc il faut que j'écoute. Sur le site du Hellfest. Ouais. Si je peux me permettre, parce que moi, ça fait un petit moment que je connais Bob maintenant et qu'il m'en parle souvent, ça a toujours été le groupe qui m'a le plus parlé. Et écoute beaucoup de morceaux. Parce que si tu te fais à ta première idée, si tu tombes sur un mauvais morceau, ça va pas forcément être représentatif. Ouais. Et Five Finger Death Punch étant beaucoup plus mainstream, tu peux plus te dire « Ah ouais, mais je préfère ça et tout ça. » Moi, j'ai déjà vu Five Finger Death Punch, donc j'irai sûrement voir Clutch. Après, je suis pas autant emballé que Bob, mais il est toujours un petit peu extrême. Hein, c'est... Mais c'est... Yeah. Alors bon, je finis rapidement sur par mon dernier groupe, je sais pas pourquoi, parce que ça fait déjà 1h36 qu'on enregistre. Ah ouais, on devait faire vite en plus. Hein, voilà, c'est pour ça. Pour donc c'est Black Star Riders qui passe à la Main Stage 1 à 15h05, en même temps que Ghostbath et Deathmaz. Quelle prononciation exceptionnelle. C'est formidable. Black, on a reconnu Ghost. Black Star Riders qui veut dire coureur d'étoiles noires. Voilà. Donc c'est un groupe de hard rock américain formé en décembre 2012. Et en fait, le seul truc pour lequel je vais en parler, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, c'est quand les membres du line-up le plus récent de Thin Lizzy décident d'enregistrer de nouveaux morceaux, mais choisissent de ne pas le faire sous le nom de Thin Lizzy. En fait, ils ont changé de nom en décembre 2012. Il fait référence à un gang de hors-la-loi apparaissant dans le western Tombstone de 93. Et ils ont décidé de changer... Alors, parce que j'ai l'explication. En fait, voilà. D'une part, pour le respect porté par le groupe à la mémoire de Phil Lynott, le guitariste très célèbre de Thin Lizzy, à son héritage artistique, et d'autre part, au respect des fans de Thin Lizzy, que les membres actuels ne souhaitent pas troubler. Donc, en fait, ils ont préféré arrêter d'être dans Thin Lizzy et créer eux-mêmes, enfin, de changer de groupe pour repartir sur quelque chose de plus. À la limite cohérent. C'est tout à fait honorable. C'est pour de ça. Leur part. Je trouve ça plutôt sympa. Et je trouve ça, c'est pour ça que je voulais en parler en fait. C'est cool. Et donc c'est du très très bon hard rock, cool, détendu, ça s'écoute tout seul. Contrairement à ce que j'avais écouté la semaine dernière, The Dead Daisies et Jared James Nichols qui sont un petit peu dans le même style, le côté bon rock, là je trouve ça vraiment cool en fait. Ils ont le côté cool en plus. Ils ont un nouvel album qui est de cette année, je l'écoute un peu, il est très sympa. Sinon pour ceux qui ne savent pas, Thin Lizzy c'est un groupe connu. Principalement pour Whiskey in the Jar qui a été repris par un groupe, le groupe dont on ne peut pas parler, et par la fameuse chanson de Boys Are Back in Town, The Boys Are Back in Town. Deux fois que je chante dans ce podcast. Je pense que je vais faire un concert dans le dernier. Je pense que tu vas faire des coupures. Non c'est... Ouais, je bosse. pas de censure, les mecs, d'accord. On est open. Donc voilà, je trouvais ça intéressant comme histoire en fait, parce que c'est un groupe que moi je ne connaissais pas du tout. Et de savoir qu'en fait, ils ont décidé de changer de nom par respect pour ça, je trouve ça super classe. Quoi. Ouais, carrément. Donc voilà, sinon donc, c'est sympa, ça écoutez. Joe, tu peux écouter, tu vas adorer, c'est cramé. Bah, c'est une easy, ouais, déjà. 1h38, on passe au tirage au sort, on perd pas de temps, sauf si vous avez quelque chose d'autre à dire. Est-ce que, par exemple, toi, Joe, qui as écouté, est-ce que tu as d'autres groupes que tu as écouté hors liste que tu as bien aimé? Pas le dimanche, non. Pas le dimanche. Bob? Bah moi, The Vintage Caravan, UFO Mammouth, mais ça, tout ça, faudrait que je réécoute. Blue Oyster Cult aussi, c'est pareil. Ah. Mais après, voilà. C'est, d'accord. On va voir si je les pioche. Ok, bon, on perd pas de temps. Vas-y. 5, hein. 5. Mais je sais pas d'où je l'ai sorti, mon... J'ai dû avoir un papier en plus. Ah bah tiens, On en parlait pas, Emperor. Emperor, oh la chance. Ton groupe préféré de la vie, presque. Exact. C'est festif aussi, North ça. Lane. North Lane, très très bien. Alors, une petite seconde. Hop. Et moi, j'ai Candiria. Cool. Je connais pas. Et ça, c'est très bien. Coroner. Je vais peut-être déplacer un peu parce qu'on entend bien le crépitement. Ah, c'est cool. Bah, ça prouve qu'on fait vraiment après tout, un tirage au sort. Vraiment. Ah, déluge. Alors attendez, oulala, attends. Bob, c'était quoi ton deuxième? Corona. Coroner, pardon. Ah. C'est la bière. Déluge. Et moi, j'ai Five Finger Death Punch. Oh. Ah. C'est pas marrant. Bah non, c'est nul. Comme moi quand j'ai eu Clutch. Hein, bah oui, enfin bon, t'as même pas réécouté, je parie. Bah, je l'écoute assez souvent en même temps. Voilà. Du coup. Vas-y. Ah oh putain, c'est beau. Il ignore. Ah, j'espérais tellement que tu l'aies. Eh, hey, attention. Attention. Je veux une vraie chronique. T'inquiète, je vais la faire. Ah, ça non, je vais vraiment réécouter. Et tu vas voir que les albums. Je vais même regarder des vidéos. Les albums les plus récents, c'est les moins bons. Ouais, bah, je vais partir voilà. des anciens. Ah, bah oui, il faut. Ou des récents. Comme ça, après, peut-être oui, que. Voilà. Partant sur non, enfin, quand je dis attention, c'est pas non plus un grand groupe, c'était un groupe sympa parce que ça met des rythmes un petit peu tribal. Ouais. Voilà. Blue Oyster Cult. Ah là là. Bah, Ifield the Reaper. Alter Bridge, oh, je connais déjà, mais j'aime beaucoup. Je connais de nom. Je vais me faire lyncher. Pourquoi tu vas te faire lyncher? Ah bah là, c'est. Il manque des lettres. Ah. S-H-V-P-E-S. Ah oui, alors, c'est En fait, il y a le fils de Bruce Dickinson dedans. D'accord. Le chanteur de Iron Maiden. Il a deux enfants qui ont fait deux groupes. D'accord. Ah. Ok, bon, ils font ce qu'ils veulent. Joe? Disnuts. Ah oui, Disnuts. Ah bon, ça c'est pas bien Warzone, ça, non? Ouais. Ah ouais, ah, j'ai dû écouter ça vite fait. Ouais. Et je tiens à préciser aussi que c'est notre dernier tirage au sort. Hein. Cripple je pense Black Phoenix. Phoenix, ah, je l'ai eu. Ah ça oui, tu l'as clair. Vu ah, c'est celui-là que je cherchais tout à l'heure. Ah, tu l'as eu? Ouais, je l'ai eu. Si, si, mais si, d'accord, si, si, tu vas voir, ça va te plaire. C'est tout à fait ce que t'aimes. Ah, ça tombe bien, j'ai de la chance. Moi, je suis un mec chanceux. Ah bah tiens, Integrity. C'est tout à fait moi, ça. Ah, il rigole, il s'amuse. Bright Curse. Ah oui. C'est dommage, je les ai déjà pas mal écoutés. Enfin, ah bah. Beaucoup même. Et ils ont fait un petit sixième, moi. Ils ont qu'un album. Ah oh ouais. Sérieux? Bah, c'est le dernier. Ghoul. Ghoul. Ouais, c'est le mec qui réagit merde. Ghoul. Pour le coup, moi, j'espère que je vais pas avoir secours, par contre. Pardon? J'ai pas. Ils sont vraiment nouveaux, quoi, Breakfast. Ah, ok. Donc, on en fait un sixième pour la fin? Ouais. Comment ça se fait que ça soit déjà la fin? On va tirer quoi après? On aura plus de chronique? Bah, ça fait 6-6-6, tu vois, pour finir, je trouve que ça. Pas mal. Pas secours. Ah, non, j'ai écouté secours. Putain, j'arrive pas à le déployer. Le déployer, carrément. c'est sur un drap. Équilibrium. On a fait des petits avions en papier, en fait. Équilibrium. Le déployer. j'avais 2 minutes, j'ai fait des pliages complexes. Il a mis ça sur une Keshua. A Day to Remember. Ah, bah c'est. A Day to Remember, c'est pas. Ça serait bien du metalcore, je crois aussi. S'ils en parlent là-dedans, normalement. Peut-être sur Main Stage, non? Attends, ouais. Ah, c'est ça. Ouais, je crois que ça ressemble à ça. Hein, moi, ça si doit être du metalcore, moi. Ouais. Dans mon souvenir, c'est ça. Bon, ouais, ouais. Ouais, pareil. Et moi, j'ai Prong. Oh, cool. Du coup, alors là, bon, bah, on a fini avec le tirage au sort. Du coup, il nous reste 2 émissions avant d'aller au Fest. Et on aura une émission au retour pour faire le bilan de cette année 2017. Ouais. Voilà. Donc, bah, je pense que c'est bon pour cette fois. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Un petit mot à faire passer à vos familles? Je sais pas, ficelle. Moi j'avais envie de dire tambourin. Arc, voilà, ficelle, arc et tambourin. MacGyver, si tu nous écoutes, impressionne-nous. Bon bah une à très bonne soirée à tous. À la semaine prochaine, il me semble. Bonne soirée à tous. Voilà. Allez, ciao. Et à toutes. Et à toutes et à bientôt. Alors, là, bisous. Là je laisse un petit peu parce que comme je fais un fondu en sortant, à chaque fois je coupe toujours trop vite. Fondu enchaîné. Non, en sortant. Ah, c'est un truc qui descend automatiquement. Allez, on repart.